jamais su énerver d'une de ses forces, les amis. Sérieusement, je vous jure, il m'arrivait un truc là en venant à la radio. J'étais en train d'écouter le son de Maître Gims, là, le nouveau, vous voyez, oui. Tout donné. Ouais, je comprends que tu sois énervé. Tu peux mettre alors. Sandro pour les auditeurs qui voient pas, mais. Voilà. Le nouveau Maître Gims. J'étais à fond dedans et tout dans la voiture. Et là, à ce moment-là, je tourne le visage, je regarde, et il y a une mamie. Mais vraiment, qui m'a maté, mais qui m'a jugé d'une de ses forces et qui a fait non de la tête, genre, puf, espèce de racaille, quoi. J'ai oh. Tout ça parce que j'écoutais du Maître Gims. Non, moi je crois que c'est lié à ta tenue, t'as habillé comme une Kaira aujourd'hui. C'est training noir, alors... basket noir, non. Tout est noir là. Qu'est-ce qu'il y a ici hein? C'est pas parce que tu viens, c'est pas parce que tu viens en training que t'es une racaille. Je reviens du sport et j'écoutais Maître Gims. La mamie, elle m'a jugé, elle m'a regardé, mais genre comme si j'étais la plus grande racaille de toute la terre, quoi. C'est déconné. Je l'emmerde, hein, franchement. Elle m'a énervé de fou, quoi. Hein. Viens, on va dans haut, mon full bordel. Ouais, vas-y. On va change leurs médicaments, on les réveille pendant la sieste. Tu sais quoi? On va leur offrir un concert de Maître Gims. Bam. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Vous aussi, vous avez eu une emmerde ou pas cet après-midi? Tant qu'on y est, allez-y. Hein. Vas-y, wesh wesh ou quoi? Comment ça s'est passé aujourd'hui, Fab? Ça a été? Ouais, moi nickel. Moi, ma vie, c'est un long fleuve tranquille. Moi, ma vie, moi, je gère tout et j'ai Fab, pas de problème. Faire racaille et mettre long fleuve tranquille dans la même phrase, ma biche. Ça va pas. Tu vois ce que je veux dire, Sandro? Ça a été la journée ou pas? Tranquille, tranquille, frère. Ça va. Tout ouais, va vas-y. Bien. Ouais, gros. Et ça les standards mènent là. Kiki et Allison du standard, comment ça a été? Wesh, nickel. Tac tac, belle, trop bien. Alors, tout se passait bien. Bim. En fait, mais jusque là. Fun Radio. Fun. L'assurance au kilomètre de Corona Direct. Maintenant, 3000 km gratuits au 02 244 22 22 ou sur coronadirect.be. C'est con, hein? Vraiment, hein? On passait tellement un bon moment, mais bon, il fallait kéké, foutre le bordel, quoi. J'espère que vous, ça se passe bien de l'autre côté de la radio, que vous avez pas eu d'emmerde aujourd'hui. En même temps, c'est la fin de la semaine, bientôt le week-end. Bah, dites-moi, hein, s'il y a eu un truc, peu importe ce que vous avez fait aujourd'hui, allez-y, 3044 pour vos messages. On vous prend à l'antenne juste après les infos de Carlo. Bonjour, mon Carlo. Retourne au Maroc. Voilà sans doute la phrase de la semaine, et en tout cas, la phrase polémique. C'est un député flamand qui l'a prononcé hier au Parlement, pas un membre du Vlaams Belang, hein, pas non plus de la NVA, mais de l'OpenVLD, le Parti libéral. Et il s'adressait à sa collègue socialiste flamande Myriam Kittir, même que les deux élus ont fait une déclaration commune aujourd'hui devant l'entrée du Parlement, relayée par la VRT. Et c'est ainsi que Luc Van Biesen a déclaré, je cite, « Je voudrais m'excuser auprès de Madame Kittir et de la communauté marocaine. Je veux dire clairement que ces mots ne font pas partie de mon vocabulaire. Je ne suis pas raciste, je ne l'ai jamais été, je ne le serai jamais. Le racisme n'a pas sa place dans cette assemblée ni ailleurs. J'espère que nous pourrons lutter ensemble demain contre toutes les formes de racisme. Nous avons une fonction d'exemple et nous allons prendre des initiatives pour combattre le racisme. » Fin de citation. Voilà qui devrait donc mettre un terme à l'incident. Mais on est quand même en droit de se poser une petite question. Hein. Si Luc Van Biesen n'est pas raciste et si certains mots ne font pas partie de son vocabulaire, pourquoi diable les a-t-il prononcés? Près de 5000 personnes ont défilé ce matin dans les rues de Charleroi pour manifester leur solidarité vis-à-vis des travailleurs de Caterpillar qui ont reçu récemment sur la tête le coup de massue, vous savez. Parmi les gens qui se sont déplacés, un bon nombre de délégations des grandes entreprises de la région ainsi que des représentants des partis politiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les travailleurs de Caterpillar hein, qui ont de bonnes raisons de craindre pour leur avenir pour le moment, vu que la première moitié du mois de septembre a été particulièrement meurtrière sur le front de l'emploi en Belgique. Ce sont plus de 4000 pertes d'emplois qui ont été annoncées, avec Caterpillar donc, mais aussi la fermeture de l'usine Douwebergh à Grimbergen, la faillite des boutiques MS Mode en Belgique, des centaines d'emplois supprimés dans le secteur des assurances chez AXA et PNV, la fermeture d'une imprimerie à Grand Bigard, sans oublier les sous-traitants de Caterpillar. Là, on ne sait pas encore combien de travailleurs vont se retrouver sur le carreau. Enfin, des rumeurs de restructuration circulent chez ING. On parle de 1000 à 4000 pertes d'emplois. Voilà, à part ça, il paraît que l'économie a redémarré. En football, le bilan des équipes belges engagées en Europa League est plus que mitigé, avec à peine une victoire en 4 matchs. Et encore une chance qu'à domicile, Anderlecht ait battu Kavala, un club d'Azerbaïdjan. Il y aurait eu de quoi désespérer. Sinon, notez que le nul 1-1 de Gand à Braga n'est pas un mauvais résultat en soi. Pas plus que celui du Standard face aux Espagnols de Vigo, à Sclessin. Reste Genk, qui a perdu 3-2 au Rapid Vienne. Dans les autres rencontres, on pointera surtout la défaite de Manchester United à Feyenoord, 1-0. Fun Radio. Nouvelle Seat Ateca avec freinage automatique d'urgence. Le SUV le plus équipé du marché à partir de 19 990 euros. Découvrez-la lors de nos portes ouvertes du 14 au 24 septembre. Seat. On fait des coucous à Julia, Mike, Kelly, Christine et Pierre qui sont déjà à l'écoute de l'Happy Hour. Merci déjà les copains, la suite du son, c'est avec Imanix, ça se passe. Il y aura aussi Eva Simon. C'est puis Kaigo, ça arrivera après la météo. Carlo, comment il va faire ce week-end? Tu te regardes? Bah j'aimerais bien, ouais, bon, s'il te plaît. Alors, entre 17 et 21 degrés, avec demain alternance de passage nuageux et d'éclaircies. Ouais. Dimanche, quelques pluies et quelques averses sont à craindre sur l'est du pays. Ailleurs, de belles éclaircies, ça tombe bien à Bruxelles, en tout cas avec la journée sans voiture. Voilà, prochain rendez-vous info dans une heure. Je vous laisse avec Audrey et le son d'Imani. Salut. Fun Radio. Pendant les portes ouvertes Volkswagen jusqu'au 20 septembre, profitez de nos conditions exclusives sur toute la gamme. Rendez-vous chez votre concessionnaire ou sur volkswagen.be. L'Happy Hour avec Audrey, du lundi au vendredi, 17h-20h sur Fun Radio. Take a breath, rest your head, close your eyes, you are right. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right. Hold my step, I'm in command. Can you feel my hips in your hands? And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why. I drown myself in your holy water. And both my eyes just got so much brighter. And my soul got, oh, yeah, so much closer. In the dark, I see your smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. My clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Take off my clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes and bless me further. Don't ask me why, don't ask me why, don't ask me why. Sur Fun Radio, la suite du son, c'est avec Eva Simon, ce que ça se passe. Sydney Samson, il y aura aussi le Kaigo dans quelques petites minutes. Ah, petit rire sadique. Je voudrais quand même mettre quelqu'un à l'honneur dans cette équipe aujourd'hui. Je me demande bien qui. On se demande bien qui. Ah bah oui. Eh bien, Alison du Standard. Non, on va faire ça. Eh bien oui, parce que, bon, vous de l'autre côté de la radio, évidemment, vous ne le voyez pas, mais je vais vous décrire quand même la tenue d'Alison qui s'est déguisée aujourd'hui en Robin des Bois. Mais pourquoi? Et c'est justement la question que je me pose. Pourquoi, Alison, tu fais ça? Je voulais rendre hommage à l'automne. Pardon? Rendre hommage à l'automne. Alors ça, pas compris. Je t'explique. Tu fais partie d'une équipe où on mange mal, où on s'en fout, où on n'est pas du tout philosophe et tu me sors une phrase pareille. Je suis pas sûre que t'es. Franchement. Je vais rendre hommage à l'automne. Jamais. Je me prends du soleil, ça. Je me prosterne devant la pluie, je mange des graines. Toi, t'es trop bio, hein, toi. T'es trop bobo bio, toi. On va te transférer chez Pure FM, hein, si tu continues comme ça. Attends, mais on doit trouver quand même ta petite musique pour toi, Alison. Regarde, attention, démonstration. Allez, vas-y. Allez, fais ton hommage à l'automne. Vas-y, allez, danse. Fais ta chorégraphie maintenant, tu fais la maline. Allez, hop. Les souvenirs du passé heureux, ils se souviennent. Odelali, Odelali, quel beau jour vraiment. Odelali, Prince Jean. Attends, comment elle s'appelait la meuf de Robin des Bois? Dame Marianne. Ah oh, voilà. Dame Marianne. Eh bien, aujourd'hui, pour ta peine, puisque tu veux t'en rendre un hommage à l'automne, puisque tu ressembles à Robin des Bois, on t'appellera donc Dame Marianne pendant toute l'émission. Rien à foutre. La prochaine fois qu'on me dit que je suis mal habillée, je lui dis je voulais rendre un hommage à l'automne. Non, je suis bien habillée, c'est bizarre. Non, tu ne l'es pas. C'est horrible parce qu'elle a un gilet brun avec une robe verte, mais vert caca, quoi. Tu vois, genre le vert que t'assumes pas vraiment. Et t'es l'automne malade, t'as bien chié. Ouais. Et le pire, c'est que tu dis qu'elle peut pas aller plus loin, mais si, elle a mis les bottes. Elle a mis les bottes. Les petites mais bottes. Pourquoi? Donc vraiment, elle est déguisée en Robin des Bois et ça, c'est beau. On applaudit Alice. Bravo. Merci, Dame Marianne. Merci. Et en fait, quand tu t'es levée ce matin, tu t'es dit quoi? Oh, bah je vais rendre hommage à l'automne. Hommage à l'automne, ouais. D'accord. Tout à fait. Non, mais elle réfléchit pas beaucoup. En plus, Alice, à la base, je vais aller même mettre des chaussettes et tout. Alison, arrête, stop. Pourquoi pas, tu t'enfonces, c'est pas possible un truc pareil. Non, mais sérieusement, vous en pensez quoi, vous de l'autre côté de la radio? On la garde ou on la garde pas? À un moment donné, quelqu'un. Pas habillée comme ça, en tout cas. Mais non. Imagine-toi, elle vient quand même de balancer qu'elle voulait rendre un hommage à l'automne. Moi, j'ai des doutes. J'ai des doutes sur le fait qu'elle soit bien là où elle est. C'est-à-dire qu'on est sur Fun Radio, le son dance floor, la déconne. À votre avis, c'est vous qui décidez. Moi, je veux pas la garder dans ces conditions. Vous en pensez quoi, vous? 30-44 pour vos messages. Il y aura le son de Kygo. Et puis avant, bah, c'est Eva Simon sur Fun. Me, I don't know what I'm doing. Hope I will be just fine if I let my feelings out. For real, I had a good time. Just had enough of your mind. Can I really let you go? No. Touch. Radio, on est avec vous jusqu'à 20h. Il y aura le son de Kungs, Don't You Know, dans un instant. On va se faire aussi Sia. Et ça, c'est nouveau en plus, hein. C'est peut-être la première fois que vous allez l'entendre sur Fun Radio. T'as de la chance, Alison du Standard, alias Dame Marianne. Là, je m'habille comme Robin des Bois pour rendre un hommage à l'automne. Oh, s'il vous plaît, quoi. Et si vous venez de vous brancher sur Fun Radio, vous avez loupé ça. Notre stagiaire, la standardiste de l'émission, a osé nous balancer ça, quoi. Elle veut rendre un hommage à l'automne. Et après, tu comprends pourquoi elle est célibataire. Hein, oui, ceci explique cela. Ouais. Quand tu t'épiles pas les jambes, c'est que tu rends un hommage à l'hiver ou quoi? Ouais, ouais, ah non, mais là, par contre, sur ce coup-là, moi je la rejoins à l'hiver. Moi aussi, je rends plein d'hommages à tout ce que tu veux. Moi, je mets mais toi, tu mets des pantalons, toi. Ouais. Ouais, bah, elle met des jupes. Ah, mais même ah, toi, j'aime bien tes bas. Non, c'est pas des bas. C'est frais. Et d'ailleurs, il y a un auditeur qui s'inquiète de savoir si elle est jolie, Alison. Alors, moi, comme je suis une fille, moi, je trouve tout le monde beau tout le temps. Pourquoi vous rigolez comme des connards? Parce que tu vas me demander, puis je vais te répondre. Ça me fait déjà rire. Non, elle est belle, Alison, mais il faut des filtres. Instagram devant. Oh, Snapchat. C'est assez méchant. Sandro, tu la trouves comment, Alison? De quoi? Bah, Alison. Qui? Allez, arrêtez, hein, vous êtes méchants, les garçons. Allez, qui? Franchement, objectivement. On parle de qui? Arrêtez de faire les cons, Alison du Standard, elle est comment? Quoi? Je réponds même plus. Alison, c'est pas grave, on est entre filles là, c'est pas grave. De toute façon, on n'est pas très gâtés non plus niveau garçon dans ce Ouais, ça c'est vrai ça. Ouais. En même temps, si on doit faire aussi le truc. Avec Kevin. Attends, je regarde un peu, attends, je fais vite le truc. Je dis juste ça, nous on est pris sur le marché de l'amour et toi tu es en seconde main. Quoi, mais toi t'as pris la première chose qui te venait en fait. Oh, attends, et ça va partir en bateau ce truc là. Eh, bah vas-y, hein, qu'est-ce que t'as à répondre à ça? Fais-moi le malin, hein, monsieur, je fais des blagues. Vas-y. De quoi? Bah, non, mais je veux pas qu'elle pleure. Moi, je peux la faire pleurer en moins de 5 minutes. Et je veux pas qu'elle pleure. D'accord. Bon, il y a un auditeur qui nous dit si elle veut, je veux bien lui présenter le géant vert. Il a deux gros petits pois. c'est nul. On voit bien que c'est la fin de la semaine. Même vous de l'autre côté de la radio, vous craquez. Bon, eh, le vendredi, les copains, on a oublié un truc. Quoi? Bah, c'est le jour de quoi aujourd'hui? Resto. Ah, le resto. On a failli oublier ça tous les vendredis dans la Pure. Et ben on s'est dit qu'on allait vous envoyer au restaurant, un chouette restaurant, comme ça vous rentrez chez vous tranquille ou pas besoin de cuisiner. Hop, directement vous prenez vos trucs et vous barrez au restaurant. On va où aujourd'hui, Fab? Alors aujourd'hui, on va aller du côté de chez South Park. Alors ça n'a rien à voir avec mon dessin animé préféré, que tu ne connais pas évidemment. Ah si, c'est celui où il dit des grossiers mots toutes les minutes. Vas-y, Kevin, fais-nous Cartman. Mais il y a un mot grossier dedans, ça. C'est pas grave, vas-y. Ok, d'accord. Qu'un fois, mère, t'as chanté ma méchante. C'est presque le même nom, mais c'est un jeu de mots. C'est pas South Park, c'est Sauce Park, avec sauce et park. Wow. C'est une superbe brasserie du côté de Waterloo. Ouais. On sort à Waterloo, c'est ça? Non, pardon, je me suis trompé, c'est Woluwe-Saint-Pierre. Qui ne sert à rien. Non, mais il y a un W dedans aussi. C'est... Non, c'est Woluwe-Saint-Pierre à l'avenue Edmond Galopin, petit Galopin. Je voulais la faire depuis hier et je savais que c'était pas une bonne idée, au fait. Non, c'est vraiment bien, c'est une chouette brasserie, c'est un superbe cadre, il y a un énorme jardin, ils ont une très belle carte. Et alors, en plus, ce qui est cool, c'est qu'il y a plein de suggestions. Et ils les changent régulièrement. Comme ça, si t'aimes pas la carte, boum, t'as les suggestions. Et il y a pas, c'est pas qu'un resto. Il y a un immense espace que tu peux louer pour faire des fêtes, des anniversaires, des booms. Donc c'est grand. Ouais, c'est grand. Et ils pensent à tout parce qu'il y a pour tous les budgets. Ah, c'est cool, c'est gentil. De toute façon, on s'en fout, vous payez pas puisqu'on vous invite ce soir. Donc, prenez le truc le plus cher. Hein. Non, mais sérieusement, pour ça, je voulais que vous me rappeliez un petit souvenir d'enfance parce que, en fait, ce matin, moi, je me suis fait un petit kiff personnel. J'ai racheté, attention, vous allez vous foutre de ma gueule, mais j'ai racheté, vous vous souvenez le dentifrice Teramet, le truc rose, super bon au bonbon là. T'as tu vois le crocodile, ouais, ou le dragon là. Ouais. Ça m'a rappelé des souvenirs d'enfance, je kiffais ce dentifrice. Je le mangeais moi. Ah ouais, c'était trop serré. Bah voilà, c'est un bon souvenir d'enfance pour ma part. Je vous emmerde. Hein. Pourquoi? Bah je l'utilise toujours moi. Bah ouais. C'est parce que tes caries sont pas encore toutes tombées, Sandro, oui. C'est pour et ça. J'ai encore des dentelets. T'as la brosse à dents dragon aussi? Ah ouais. Bah, oh attends, moi j'avais même une brosse à dents avec le sablier intégré. Et oui, alors le non, vous avez plus d'accord. Je suis toute seule sur ce coup-là. Mais si le dentiste, d'ailleurs, il me disait, tu dois te brosser les dents jusqu'au moment où le sablier il est terminé. Ah non, on avait des piles et puis ça faisait tutut quand c'était fini. Comme quoi, la différence entre Charleroi et Bruxelles, c'est... Bon, et dites-moi, vous de l'autre côté de la radio, si ça vous dit d'aller ce soir au restaurant. Au South Park. Au South Park. Et bah, rappelez-moi juste un bon petit souvenir d'enfance, un truc qui vous a fait plaisir. 3044, vous m'envoyez votre petit message, on vous prend à l'antenne. Et peut-être que ce soir, vous serez au resto tranquillou, côté son dance floor. Ce que vous entendez là, c'est le nouveau Sia qui arrive dans quelques minutes sur Fun Radio. Avant ça, je vous ai calé un petit Kungs, c'est Don't You Know. Bienvenue tout le monde, c'est la Pure jusqu'à 20h. 7h10 et 8h10, Bruno paye vos factures. Quel est le seul animateur radio qui paye tes factures? C'est Bruno dans la radio. Eh ben voilà. 308,98 €. Qu'est-ce que c'est que cette facture? C'était un épilateur à lumière poussée. Ça ressemble à un taser et tu le mets sur les poils, ça brûle les poils à la racine. À peu près, ouais. Christina veut te poser la question, je vois qu'elle n'ose pas. Ça marche sur la moustache ou pas? J'ai pas de moustache. J'ai aucun poil. Imagine Chuck Norris qui te regarde en face dans les yeux qui dit j'ai pas de moustache. 308,98 €, je remets ça sur ton compte en banque. Eh ben parfait, merci beaucoup. Bruno dans la radio. Reviens lundi sur Fun Radio. Dans un monde qui change, vos achats online ne vont pas attendre la carte de... Papa, je peux prendre ta carte? Mais dans tes rêves, ma chérie. Vous avez entre 18 et 28 ans, découvrez notre offre Hello4You gratuite avec une carte prépayée pour vos achats online. Plus d'infos sur notre site ou dans l'agence la plus proche. BNP Paribas Fortis, la banque d'un monde qui change. Chérie, combien de temps avant 22h? 8 secondes, t'es prête? Ça fait une heure que je suis prête. 5, 4, tu peux le faire, 3, tu peux le faire. 2, 1, et c'est parti! Ouf, nickel. Patrick, t'as bien mis le programme délicat? Je sais plus. Arrête-moi ça! Arrête-moi ça! N'attendez plus que la nuit tombe. Profitez du tarif de nuit aussi pendant la journée. Devenez client chez Essent.be et recevez jusqu'à 3 ans le prix de l'énergie de votre facture d'électricité au tarif de nuit. Infos et conditions au 0800 32 032. Essent.be. Notre énergie, une source de plaisir. Win for Life, c'est 2 000 € par mois à vie. De quoi partir si souvent à Marbella que tu en oublierais parfois que tu es juste en Belgique. Bonjour monsieur. Hola señor. Alors, cuatro pistoleros y dos gozetas con pomas, por favor. Mais vous pouvez parler en français monsieur, hein, pas de problème. Alors ça, pour un hasard c'est un hasard. Faut que je tombe sur un boulanger belge à la Costa del Sol. Ça fait longtemps que vous êtes installé ici? Joue à Win for Life dans ton point de vente, online ou sur mobile. Win for Life, du fun for life. Dites, la Peugeot 2008, là, le grip control, elle l'a? Elle l'a. Et le high cockpit avec écran tactile, elle l'a? Elle l'a, elle a bien plus que ça. Elle a la caméra de recul et elle a le démarrage en côte aussi. Ah bon, elle l'a? Non, elle les a. Ah oui, oui. En septembre, chez Peugeot, on en fait un max pour nos clients. Parce que c'est le mois du max.

I'm gonna wreck your mind. Take a chance. Radio que vous écoutez, bienvenue tout le monde. Nouveauté, new music, découverte Fun Radio. Allez, c'est aujourd'hui hein, qu'on va savoir qui sera le grand gagnant de la rencontre avec David Guetta. Ça vous dit, allez-y, hein, vous envoyez concert par SMS au 6322. Avant ça, c'est le nouveau Sia qui débarque maintenant sur Fun. Je sais pas ce que vous en pensez, mais nous ici dans l'équipe, on le kiffe, hein, le nouveau Sia. La suite avec Cashmere, ça se passe sur Fun. Wildcard, il y aura aussi du Black M. Je suis chez moi, c'est le nouveau en plus, hein. Ça arrive dans moins de 5 minutes, ça s'est promis. Avant ça, on a Maxime qui vient de Waterloo. Bonjour Max. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien et toi? Bah écoute, ouais, Maxime, t'as l'air tout timide comme ça, c'est mignon. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que bah, tu fais? La première fois que je passe à l'antenne, donc oh, oh. Encore un dépucelage, ça c'est beau ça. Maxime, qu'est-ce que tu fais de beau aujourd'hui? Congé, profite. Oh, de la belle vie, toi. Hein. C'est dégueulasse. Bon, il paraît que tu voudrais bien aller au resto tranquillou avec ta chérie ce soir. Bah ouais, elle le mérite beaucoup, donc ça va bien aller cette fois. Enfin un homme qui admet que sa femme fait beaucoup pour lui. Ah ah. Non, ça veut dire qu'il y a eu un problème aujourd'hui dans la journée et qu'il va se faire pardonner. Voilà. On le sait tous, ne fais pas semblant s'il te plaît. Je vous ai demandé de me dire par SMS ou 3044 un chouette souvenir d'enfance. Je sais pas moi, un truc que vous kiffiez. Par exemple, moi tout à l'heure, je me suis fait un délire, j'ai racheté le dentifrice crocodile. Voilà, je me suis brossé les dents avec ça, c'était mon petit plaisir de la journée. J'étais une autre femme après, sérieux. Ah, toi Maxime, c'était quoi ton souvenir d'enfance? Un truc voilà, que tu kiffais? Bah écoute, moi tout simplement, c'est ce que j'ai envoyé dans le message. Moi, ma compagnie et moi, on se rencontre en primaire. Attends, Maxime, une question très très très importante. T'étais un élève quand même ou t'étais pas le prof quand même? Non, okay. Rassure-toi. Je n'étais pas un élève assidu, mais j'étais un élève. Bah c'est déjà ça, hein, tu sais. C'est globalement ici, personne n'est assidu, hein, sinon ça se saurait. Hein. Ça veut dire quoi? Mais si, moi je suis assis. Hein. Non, je peux pas te laisser faire de choses pareilles. Bah quoi, Maxime, vous êtes rencontrés en quelle année? On s'est rencontrés en 5e et 6e, on s'est perdu de vue pendant une dizaine d'années, puis ouais. On s'est retrouvés grâce à la magie des réseaux sociaux. Ah non, mais alors si vous êtes perdu de vue, ça va pas être possible, Maxime. Oh, c'est trop mignon, j'adore les histoires comme ça. En plus, c'est bien quand ça dure, c'est cool. Ça fait 3 ans maintenant aujourd'hui qu'on est ensemble. Oh là, il y a trop d'amour à l'antenne là, oh mon dieu. Maxime, comment elle s'appelle ta chérie? Fatima, on lui fait des gros bisous à Fatima si elle écoute Fun Radio. Maxime, t'es le premier qu'on a présélectionné, peut-être que ce sera vous deux au resto ce soir. Max, tu restes à l'écoute de l'émission. Si ça sonne sur ton numéro, c'est que c'est toi, d'accord? Nickel, merci beaucoup. On te fait des gros bisous, mon Maxime. Salut, trop de bonheur. Tu m'étonnes. Ici dans l'équipe, un bon souvenir d'enfance, un truc que vous kiffiez quand vous étiez petit, Fab? Moi, je voudrais. Ça va dire une connerie, voudrais, comme non, ça. Non, je voudrais dire à tous les gars qui étaient à l'école avec moi quand j'étais petit, vous vous rendez pas compte à quel point vous m'avez fait du mal parce que chaque semaine on avait le cours de gym. J'ai dit un bon souvenir. Oui, on faisait du foot au cours de gym. Ouais. Et il fallait choisir, les deux capitaines choisissaient leur équipe. Et moi j'étais toujours choisi en dernier. Et on me mettait tout le temps au goal. Minou. Je sais pas pourquoi. Ça c'est horrible, ça, quand t'es en rond de nion comme ça, avec des on te choisit un à un là. Et puis toi t'es là, tu restes. Ouais, il se passe rien pour toi, c'est la vie. Quel est du standard? Ouais, quand moi j'étais malade et que maman m'amenait le matin chez ma grand-mère. Et elle me mettait le thermomètre. Ça c'est un bon souvenir. Mais ouais, parce que qu'est-ce que vous comprenez pas dans bon souvenir? Mais c'est un bon souvenir parce qu'à chaque fois quand j'étais chez elle, j'avais genre une plaie dans le fauteuil tranquille avec un petit bol de soupe à midi. Devant un dessin animé. Voilà. Et ça c'est beau. Bah ouais. Qu'est-ce qu'on me dit par SMS? Alors moi, j'ai une petite fille de 8 ans et à chaque fois que mon compagnon et moi allons dans un magasin, on reste un moment dans le rayon et limite c'est nous qui jouons avec. C'est pas alors que c'est pour la petite. Ah ouais, le goût. Ah ouais, mais ça je suis sûre, le jour où j'ai un gosse, je lui achète tous les jouets que j'ai pas pu avoir. Bim, voilà. Et tu vas jouer avec? Et je vais jouer avec. Rien à foutre, je fais ce que je veux. Vous, c'était quoi de l'autre côté de la radio, le truc que vous kiffiez quand vous étiez petit? Allez-y, balancez, hein, 3044 pour vos messages. On vous sélectionnera là, peut-être que ce sera vous qui irez au resto ce soir. On se fera ça juste après Cachemire sur Fun Radio. Are you ready? Fun Radio et Legends présentent pour la première fois à Asselt le DJ Superstar Fun Radio, David Guetta. Salut, c'est David Guetta. 15 000 personnes sur le plus grand dance floor de Belgique. Vendredi 21 octobre 2016 au Etias Arena à Asselt. David Guetta. Le vendredi 21 octobre 2016, un événement Legends et Fun Radio. Info et tickets, téléticketservice.be et funradio.be. Fun Radio, le son dance floor. Hier, c'était de nouveau. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Oh, mais je sais pas quoi choisir. Ouais, tout est super beau, quoi. Oh oui. Et toi, t'as pris quoi? La chemise, le top ou le pull? Sophie? Mais t'es où? Ici, je suis déjà à la caisse, hein, j'ai pris les trois. Maintenant, chez CA, 2 plus 1 gratuit sur tous les hauts d'âme. CA. Cette semaine chez Lidl, 1 plus 1 gratuit sur le gyros de poulet. Soit 4,99€ les deux paquets de 500 grammes. Préparez un délicieux repas grec à vos amis. Parce que la seule chose qu'ils connaissent dans la cuisine grecque, c'est l'ouzo. Beaucoup d'ouzo. Les produits frais de chez Lidl, pour tous ceux qui comptent. Bonjour, je viens pour la Golf. Oui, bien sûr, il y a déjà une Golf All-Star à partir de 14,990€. Oui, je sais, je la prends. Vous savez qu'elle dispose de jantes en alliage? 16 pouces, oui, de vitres teintées, d'une climatisation, oui, tout à fait. Ouais. Une série superbe. Et super équipée, oui, je sais, je la prends. Pendant les portes ouvertes jusqu'au 20 septembre, profitez de nos conditions exclusives sur toute la gamme Volkswagen. Par exemple, une Golf All-Star super équipée à partir de 14,990€. Prime de recyclage conditionnelle de 1,500€ déjà déduite. Rendez-vous chez votre concessionnaire Volkswagen. L'Happy Hour sur Fun Radio. Du lundi au vendredi, 17h-20h. La seule émission qui te donne envie de rire, même s'il ne te reste qu'une seule dent en bouche. I come around the turn and people stop and stare. I'll make a killing from this change. Snake eyes and sevens, you can feel it in the air. You see your fortune and your fame. Wanna take a spin? Chez lui ici, Black M, encore plus sur Fun Radio, on le kiffe. Il arrive dans quelques minutes, il y aura aussi du Chainsmokers, tout ça je vous le cale juste après l'horoscope. Je vois, c'est l'heure de l'horoscope sur Fun Radio. Ah, ce qui est bien, c'est que là, on est bien, on parle de souvenirs d'enfance, on est installé. Et puis il y a Fab qui arrive avec son horoscope et qui va vous dire si vous êtes un obsédé sexuel. Magnifique. Belle transition. Les béliers. Non, du tout, vous n'aimez pas le sexe. Déjà tout petit, vous le disiez à tonton. Tonton, j'aime pas beaucoup ce qu'on me fait et que je dois pas dire. Et les taureaux. Vous adorez le sexe et ne pensez qu'à ça. Votre plus grand rêve, pratiquez. Les gémeaux. Oh, tous les sites porno vous appellent par votre prénom, ça répond à votre question. Cancer. Vous êtes tellement obsédé par le sexe que vous arrivez à vous toucher sur le catalogue d'Amar. Oh non. C'est dégueulasse, j'ai l'image. Les lions. Si votre bras gauche a cette taille-là, c'est pas parce que vous faites du sport, mais parce que vous n'arrêtez pas de vous toucher. Vierge. Vous passez des heures sur le net à faire des recherches cochonnes. À chaque fois que vous cherchez quelque chose, Google a envie de se suicider. Les balances. Vous n'aimez pas le sexe et n'y pensez jamais. Et vous voulez savoir quoi? C'est réciproque, lui non plus vous aime pas. Les scorpions. Vous êtes obsédé, mais pas par le sexe. Votre truc, c'est le chocolat. Ah ouais. D'ailleurs, vos fesses sont tellement grossies que vous ne pourrez plus pratiquer. Oh. Sagittaire. Vous êtes un vrai obsédé sexuel. D'ailleurs, c'est pour ça que vous purgez actuellement une peine de 12 ans de prison. 12 ans, comme votre ex. Et on fait des gros bisous à tous les auditeurs qui sont. Pardon. Demain, on fait pas des bisous à eux. Ça, on fait, ah tiens, toi aussi t'es en prison parce que tu aimes trop les enfants. Bon, on te fait un gros bisou. Voilà, c'était notre dernière émission. Merci les amis. Non, c'est pas ça que non, mais ça va. Non, attendez, c'est pas ça que je voulais dire. Mais je sais qu'il y a des auditeurs qui sont en prison qui nous écoutent. Donc je voulais leur faire des bisous. Enfin, c'est pas grave. Enfin, c'est bon, ok, je suis pas comprise. Vas-y, balance Black M, c'est bon. À travers mon innocent, je pense qu'il me charme. Ma maîtresse d'école m'a dit que j'étais chez moi. Mais mon papa lui pourtant se met fidèle. Est-elle fidèle? La France est belle, est belle. Mais elle me regarde haut comme la tour Eiffel, Eiffel. Mes parents m'ont pas mis au monde pour toucher les aides, les aides. J'ai vu que Marion m'a tweeté de quoi elle se mêle. Je sais qu'elle m'aime, je suis français. Ils veulent pas que Marion soit ma fiancée. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop foncé. Laisse-moi juste l'inviter à danser. Je vais l'ambiancer, je suis français. Ils veulent pas que Marion soit ma fiancée. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop foncé. Laisse-moi juste l'inviter à danser. Je vais l'ambiancer. Je paye mes impôts moi. Je pensais pas que l'amour pouvait être un combat. À la base je voulais juste lui rendre un hommage. Je suis tiraillé comme mon grand-père, ils le savent, c'est dommage. Jolie Marianne, Marianne, je préfère ne rien voir comme Amadou et Marianne. Je t'invite à manger un bon mafette chez ma tata. Je sais qu'un jour tu me déclareras ta flamme. Aïe aïe aïe, je suis français. Chez moi, je suis chez moi, chez moi, chez moi, chez moi, je suis chez moi, chez moi, chez moi, je suis chez moi, chez moi, chez moi, je suis français, chez moi, chez moi. Ils veulent pas que Marianne soit ma fiancée, chez moi, chez moi. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop foncé, chez moi, chez moi. Laisse-moi juste l'inviter à danser, chez moi, je vais l'ambiancer. Je suis français. Ils veulent pas que Marianne soit ma fiancée. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop français. Laisse-moi juste l'inviter à danser. Je vais l'ambiancer. Je suis noir, je suis beurre, je suis jaune, je suis blanc. Je suis un être humain comme toi. Je suis chez moi, fier d'être français d'origine guinéenne. Fier d'être le fils de Monsieur Diallo. Éternellement insatisfait. À suivre. Merci d'écouter Fun Radio et la suite du son Dance Floor, c'est avec The Chainsmokers que ça se passe. Il y a toute l'équipe qui est là, moi c'est Audrey. Présent. Il y a Fab. Non, quand je dis c'est Audrey. Je suis vraiment fatiguée. En fait, quand je dis moi c'est Audrey, tu dois pas dire présent. Présent. Non. C'est Fab, c'est moi, bonjour. Il y a Sandro, on va essayer avec Sandro. Présent. Magnifique. Kéké du Standard. Présent. Alison. Présent. Audrey. Présent, moi aussi. Laissez tomber. On a Massimo qui est là, qui vient d'XL. Salut Massimo, ça va bien? Salut, ça va bien et vous? Non, ça va pas, j'en peux plus. T'as pas envie d'héberger Fab ou j'en sais rien, de le garder pendant l'émission? Oh, non. Non, bah non, tu vois, non. Non, mais c'est ça, hein. Globalement, personne ne veut. Je même suis sa copine. Pièce, je vous entends. Oui, mais justement. Massimo, on parle des souvenirs d'enfance, les trucs qu'on kiffait grave quand on était petit. Toi, c'était quoi? Ben moi, c'était comme ma grand-mère qui faisait la pasta al forno, c'est des pâtes au four, et ça, j'aimais bien. Et voilà, j'ai un bon souvenir de ça, et comme c'est bien cuisiné, ça me reste un bon souvenir d'elle. Les pastas al forno, c'est ça? Ouais, et pasta quoi al forno. Je parle pas italien, mais c'est facile à comprendre, ça, pour le coup. Pasta forno, c'est rapide. En même temps, les grand-mères, qu'est-ce qu'elles font bien manger? Ah, oh, pas la mienne. Ouais. Ah non? La mienne, elle cuisinait hyper mal, c'était un supplice de manger chez elle, quoi. C'est vrai? Ah oui, moi, elle cuisinait des trucs pourris, par contre. Tu vois, elle oubliait la date de péremption. Oh. Je te jure, et à chaque fois on allait chez elle et elle donnait toujours, c'est les, il y a les espèces de biscuits, enfin les petits biscuits que tu manges à l'apéro là, tu vois. Ah et ouais, ben, oui. Sauf qu'ils restaient tellement longtemps dans son armoire qu'ils étaient pas bons et ils on osait, ouais, et on n'osait pas lui dire, c'était horrible. Les mamies, elles font souvent ça, je te jure, à un certain âge. Ils voient plus la date, ils non, savent pas c'est que c'est ça. Non, ça devient une épreuve de Koh-Lanta d'aller bouffer chez ta grand-mère. Hein. Je te jure, à un moment donné, faut se méfier. Eh Massimo, bah du coup t'es le deuxième présélectionné pour aller au resto ce soir. On rappelle vite fait où on va, Fab. On va au Sauce Park ce soir. Et puisque t'aimes les pâtes, là tu vas être servi. Il y en a aussi à la carte. Ils ont des paquieri à la salsiccia. Ce sont des grosses pâtes avec de la saucisse. C'est hyper bon. Et je suis occupé à fantasmer sur la carte depuis tout à l'heure. Et je vois des entrées. Il y a des poêlés de gambas flambés au pastis et fenouil. Ça a l'air bien. Ça y a les pâtes là que je te disais. Ils ont des burgers en plus pour ceux qui aiment. Ça c'est bon. Mais là, qui n'aime pas les burgers? Faut pas déconner. Il y a des gens qui n'aiment pas les burgers. Bon, et Massimo, reste bien branché à l'antenne de Fun Radio. T'écoutes la Pior. Si ça ressonne chez toi, ben c'est toi qui es en resto ce soir. D'accord, mon Massimo? Nickel, ça va. Je te fais des gros bisous. Qu'est-ce qu'on me dit par SMS? Mon kiff d'enfance, c'était la pâte à tartiner Milky Way. Bien vu, Géraldine. Allez-y, balancez-moi vos souvenirs d'enfance. C'était quoi le truc que vous kiffiez? 30-44 pour vos messages. La suite du son, c'est avec The Chainsmokers maintenant. Rencontrez votre DJ Star Fun Radio, David Guetta, lors de son concert le 21 octobre au Etias Arena d'Asselt. Christelle, qu'est-ce que tu viens d'entendre à l'instant sur Fun Radio? Le double fun de David Guetta. Double fun. Christelle, c'est gagné. Salut, c'est David Guetta sur Fun Radio. Double Fun. Soyez le premier à envoyer concert par SMS au 6322. Un euro le message et gagnez vos places pour vous éclater avec David Guetta le 21 octobre au Etias Arena d'Asselt. Et peut-être gagner votre rencontre avec le DJ Fun Radio. Les concerts de vos stars préférées, ça se gagne uniquement sur Fun Radio. Fun Radio, c'est ma radio. Le son Dance Floor. Mais chérie, mais ça fait déjà 5 fois que tu rates la sortie. Tu le fais exprès ou quoi? Mais non, pas du tout. On se sent tellement bien à bord du nouveau Citroën C4 Picasso, bénéficiant du Citroën Advance Comfort avec navigation connectée et pack lounge. Venez le découvrir dans nos points de vente et profitez en septembre de nos conditions exceptionnelles sur toute la gamme. Citroën. Infos et conditions sur citroën.be. À la maison, profitez plus et payez moins grâce à l'internet et à la télévision digitale d'Orange à partir de 39€ par mois. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Hey, hey, I will survive. Donnez une seconde vie à vos vieilles chaussures. Apportez-les jusqu'au 18 septembre chez Brentano. Vous recevrez pour chaque paire un bon de réduction de 12,50€ et vous soutiendrez une bonne cause. Brentano. Info et magasin ouvert ce dimanche, brentano.be. Moi j'aime le poulet et je ne suis pas la seule. Ah, c'est sûr, car nous aussi on aime le filet de poulet, pas vrai petit? Oh que oui, à la poêle, au grill, au four. Et c'est si vite cuit. Oh, je dirais même c'est cuit-cuit, monsieur Marquet. Jusqu'à mardi, chez Carrefour Market, nos succulents filets de poulet sont à 3,14€ la barquette de 600 grammes. Carrefour Market, la fraîcheur comme vous l'aimez. Ce mercredi, il y a eu plein de gagnants, mais le jackpot loto n'a pas été gagné. Je ne sais pas vous, mais moi ça m'arrange. Alors, attention ma petite blague, que ne peut-on pas organiser dans un sous-marin? Une journée porte ouverte. Jouez donc au loto ce samedi. Il y a près de 2 500 000 euros à gagner. Ah oui, alors là, j'arrêterai mes blagues. Là, oui. Merci, loto. Offre spéciale rentrée du journal Le Soir. Abonnez-vous au soir et bénéficiez d'un superbe ordinateur portable. Recevez votre journal papier le jour de votre choix. Accédez à tout moment à votre journal et au contenu numérique du soir. Et choisissez entre deux ordinateurs parmi les meilleurs du marché. Souscrivez dès maintenant à partir de 29€ par mois sur lesoir.be/ordi et économisez jusqu'à 330€. Fun Radio, the song that's played. jours, du lundi au vendredi, 17h-20h. Retrouvez Audrey, l'animatrice préférée des petits lapins et des coquelicots sur Fun Radio. Doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart. Moved to the city and I broke down crying. 4 years, no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar. And I can't stop. No, I can't stop. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate. I can blow that. We ain't ever getting older. Alors continue sur Fun Radio, Justin Timberlake and Stop the Feeling, c'est ce que je vous ai calé. Il y aura aussi, oh c'est bon ça, les Daft Punk, Around the World. Votre copine est jolie, mais elle sait pas cuire un œuf. Out. Vous en faites pas, on s'occupe de tout. L'Happy Hour t'invite au resto. Bah évidemment qu'on s'occupe de tout et c'est comme ça tous les vendredis. Ah bah oui, moi je sais pas cuisiner, moi c'est un enfer, j'ai cuit des pâtes sans eau. Alors comment te dire que le niveau il est pas très haut, hein. C'est une catastrophe, tout le monde sait cuisiner autour de la table là. Attends. Ouais, vite fait. Ouais, c'est ça. Sandro, tu sais cuisiner, ça c'est un vite mytho fait. Ça. Vite fait, c'est ce que j'ai dit. Ouais, ouais, et mettre un plat au micro-ondes, c'est pas cuisiner. Ah ouais, ça compte pas, hein. Bah si, hein. Excuse-moi, ce midi j'ai été chercher des pâtes. Ouais. C'est vrai au Carrefour. Que c'est vrai que mettre un truc dans le micro-ondes, franchement, c'est pas donné à tout le monde. Moi, j'ai déjà raté des plats. Blague. Ah non, je te jure, je les ai déjà trop cuits. J'ai déjà réussi à faire ça. Ouais, ouais, ouais, franchement. Moi, ça m'arrive souvent avec la pizza mais dans le four. Ah ouais, ça aussi. En c'est fait, déconné. Je mets c'est quoi, c'est 15 minutes une pizza, c'est ouais, ça plus ou moins. Ouais. La pizza. Voilà, je mets 15 minutes dans le four et puis je fais autre chose. Et puis genre 20 minutes après, j'en reviens, je fais eh merde. Et là, t'as l'air con parce que t'as pris que ça pour bouffer et tu la manges quand même ta pizza cramée. Tu l'envisages parce que t'as que ça dans ton four. Bon, rassurez-vous, même si vous savez pas cuisiner, eh ben on a pensé à vous dans l'émission. On vous envoie au restaurant. On vous envoie où aujourd'hui? Ah, ce soir, on vous envoie dans un truc bien. Ça s'appelle le Sauce Park. Ouais. C'est à Woluwe-Saint-Pierre. Et alors, c'est un très très très chouette resto, très grand. Ouais. Avec plusieurs espaces. On s'en fout, qu'est-ce qu'il y a dans l'assiette? Ah. Et je viens de découvrir un truc sur la carte là que j'avais pas vu tout à l'heure. Attention. Ils font des binches. Et c'est ouais. Quoi ça, des beans? Des beans, alors ce sont des grosses pommes de terre. Ouais. Tu vois, mais vidées avec de la purée dedans et avec des lardons, des oignons, oh. Puis même avec oh. Saumon crevette oh. Ou avec des oh. Champignons. C'est quoi le site internet du resto si on veut aller voir? Saucepark.com. Saucepark.com, si vous voulez aller voir, on vous envoie ce soir. Alors, on avait deux auditeurs qui étaient en lice. On avait d'un côté Maxime et de l'autre côté Massimo. Massimo. Alors, on va faire sonner. On s'est concerté, on s'est dit qu'on avait envie de récompenser l'auditeur qui était un petit peu romantique. Pour une fois qu'il y en a un romantique avec sa femme ça. Qui voulait la récompenser. Bah, c'est parti, on fait sonner du coup. Et on va voir qui c'est qui va gagner. Si ça décroche, et ben direction le restaurant ce soir avec la personne de son choix. Allô? Oh non, je croyais que ça avait décroché. Mais non. Il faut que ça sonne avant que ça décroche, Audrey. Ça avait sonné, ça va. Commence pas à m'énerver, punaise. Allô? Ouais, allô. Allô? Allô. Parle plus fort, allô, on t'entend pas. Allô. C'est nul les blagues de merde comme ça. Allô. Maxime, c'est gagné. Ouais. Dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, d Maxime, tu vas pouvoir aller au restaurant ce soir avec Fatima. Voilà, une petite soirée romantique offerte par Fun Radio. Tout grand merci à vous tous. De rien, et on demande juste un truc en contrepartie, Maxime. Tu nous postes une petite photo sur ma page Audrey sur Facebook, d'accord, Max? Ça marche, on fera ça. Et que tu payes l'addition aussi, hein, merci. Hein. Ça va. Maxime, un gros bisou, félicitations à toi, et on se refera ça vendredi prochain. Si vous voulez vous faire un petit resto tranquille ou pas cuisiner, restez bien à l'écoute de Fun Radio. Et c'est quand qu'on fait les snacks? On fait pas les snacks, on fait que le. On fait ça serait que... drôle. Non, il y a du niveau dans cette émission. Quoique. Un bon de boom. Non, on va pas vous payer un euro, mais par contre, une pizza partie dans quelques petites minutes. Et ça, c'est pas pour la vanne, c'est promis. Fun Radio. Fun. L'assurance au kilomètre de Corona Direct. Maintenant, 3000 km gratuits au 02 244 22 22 ou sur coronadirect.be. Direct. Si vous venez de vous brancher sur Fun Radio, déjà bienvenue, hein, merci d'être là. Il y aura le son de Justin Timberlake dans un instant, ça arrivera juste après l'actualité avec Carlo Morello. Bonjour Carlo. Et non, salut à tous. Jacqueline Galland n'est plus ministre fédérale depuis un bon moment, mais au sein du MR, il nous reste Marie-Christine Margaine pour faire de grosses bêtises, la ministre de l'énergie. Et elle n'a toujours pas été débarquée, hein, ce qui lui a donc donné la possibilité de faire perdre plusieurs millions d'euros à l'État. Alors sans rentrer dans les détails, EDF et Electrabel ont versé un peu plus de 7 millions à l'État belge à titre de redevance pour le réacteur de Tihange 1. Mais la CREG, qui est le régulateur du secteur, s'est rendu compte que ce montant était largement sous-estimé. Il l'a fait savoir au cabinet de la ministre, qui avait en fait jusqu'à hier pour réclamer le supplément. Seulement voilà, il a oublié de le faire, un oubli donc de plusieurs millions, hein, quand même, c'est pas rien. Et alors là, affirme Jean-Marc Nollet, le chef de file écolo à la Chambre, de deux choses l'une, ou bien on peut parler d'amateurisme complet de la part de la ministre Margem, un terme poli pour ne pas dire incompétence, ou alors elle est de mèche avec Electrabel et l'a donc fait exprès. Là, c'est une manière d'éviter de prononcer le mot corruption. Quelle que soit l'explication, ajoute M. Nollet, je demanderai mardi prochain à la ministre les conclusions politiques et qu'elle en tire. Fin de citation. Un sommet européen se tient aujourd'hui à Bratislava, en Slovaquie, sans le Royaume-Uni, sommet informel dont l'objectif est en principe de relancer le projet européen, de lui donner un souffle nouveau, alors qu'il est surtout question d'une désintégration de l'Union en ce moment. Seulement voilà, ce souffle nouveau, on ne voit toujours pas ce qu'il pourrait être. Un responsable européen a d'ailleurs prévenu qu'il ne fallait rien attendre de spectaculaire lors de ce sommet et que les grandes décisions seraient prises à Rome en mars 2017, à l'occasion des 60 ans de la signature du fameux traité qui a donné naissance à l'Union européenne. C'était à l'époque où les instigateurs de ce traité savaient pourquoi ils voulaient s'unir. Les pays d'Europe se tapaient dessus depuis toujours et la Seconde Guerre mondiale a vraiment été la monstruosité de trop. Il fallait que ça cesse. Et de fait, depuis la naissance de l'Union, notre vieux continent est en paix. Faut pas oublier ça. Il faut surtout pas que les adversaires de l'Union européenne l'oublient. Retour chez nous avec la journée sans voiture qui se tiendra ce dimanche, ce qui va faire à nouveau râler des milliers de gens, mais qui va faire plaisir à des milliers d'autres, ça compense largement. C'est vrai que pour peu qu'il ne fasse pas mauvais, c'est assez gai de se promener dans la capitale ce jour-là, de voir des centaines d'enfants prendre plaisir à rouler à vélo ou à faire du skate sans trop de risques. Et puis on peut faire la fête aussi, comme l'an dernier dans le tunnel de la porte de Namur. Cette fois c'est Place Poulart qu'aura lieu la Mobile Bix Party, animée par plusieurs DJ de la capitale, pour le plus grand bonheur de plusieurs milliers de personnes. Comme l'explique le ministre bruxellois de la mobilité Pascal Smet, le lieu permet d'accueillir du monde et est suffisamment central pour faire venir le public des quatre coins de Bruxelles. Je rappelle que cette journée sans voiture doit avoir lieu entre 9h30 et 19h. Nouvelle Seat Ateca avec freinage automatique d'urgence. Le SUV le plus équipé du marché à partir de 19 990 euros. Découvrez-la lors de nos portes ouvertes du 14 au 24 septembre. Seat. Le Vacher Time, c'est ce qui arrive dans moins de 5 minutes sur Fun Radio. Le gars, il est bizarre, mais vous allez voir, il est bien drôle. On se fait ça dans quelques minutes après la météo, même si en gros, tu viens d'en parler, quoi, Carlo. On peut répéter un petit peu, est-ce qu'il va faire beau du coup? J'ai pas parlé du tout. Bah si, avec le truc sans voiture. Oui, mais j'ai pas de quel temps il fait. Vite fait quoi, ça va passer. Il va pleuvoir ou pas? Non. Non, il va faire beau. Mais j'ai pas parlé du tout. Mais fais-la la météo, bordel. Ça veut dire que t'as pas écouté, t'as cru que j'ai parlé. Bon, allez, une vingtaine de degrés avec une alternance de passage nuageux et éclairci. Et puis, qu'est-ce que tu m'as dit là? Bordel. Bon, ok, mais va te faire foutre. Fun. Fun Radio. Pendant les portes ouvertes Volkswagen jusqu'au 20 septembre, la Golf All-Star super équipée est à partir de 14 990 euros. Prime de recyclage conditionnelle de 1 500 euros déjà déduite. L'Happy Hour avec Audrey. 17h-20h sur Fun Radio. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. Ensemble là sur Fun Radio, vendredi on l'a fait. Ouais, ça c'est beau, on va fêter ça avec le son de Dua Lipa. On va se faire un souvenir aussi avec les Daft Punk, ça sera juste après le Vaché Time. Alors Vaché, comment vous décrire cet individu, ma foi très bizarre, qui est tous les matins dans Bruno dans la radio entre 6h et 9h, c'est le nouveau morning de Fun Radio. Le gars en gros il appelle les gens, il est saoul quoi. Il a fait quoi encore aujourd'hui? Il a appelé des gens pour faire un petit blind test. Vous savez ce que c'est un petit blind test? Bah merci quand même, ouais, tu prends pour des cons quoi. Bon, on sait jamais. Moi je suis imbattable au blind test. Bon bah tout le monde connaît, je réexplique au cas où, on diffuse des extraits, il faut savoir qui est la personne qui chante. D'accord. Cependant, Vaché a fait un petit truc assez sympa, c'est qu'il demande la traduction des paroles, donc savoir ce que la personne chante. Oula, ça devient compliqué. Mais c'est pas très rapport avec la musique, d'accord, écoutez. Comme d'hab quoi. Allô. Oui, bonjour madame, monsieur Vaché, je fais des petits blind tests par téléphone. Oui. C'est des petites questions qui tournent autour de la musique, je voulais savoir si vous voulez y participer. Avec plaisir. Alors, pour commencer, qui chante? Jean-Jacques Goldman ou Francis Cabrel? À vous de me le dire. Ouh, oui, ça me dit que... Cabrel. c'est totalement Cabrel. Est-ce que vous comprenez ce qu'il chante là quand il dit Can't touch this? Can't touch. Ah bah, catéchisme. Exactement. Mais essayez de le chanter sur la chanson, ça va être sympa. Catéchisme. Magnifique. Je vais vous faire écouter un duo maintenant. Vous allez devoir deviner quand Rihanna chante et vous direz son nom. D'accord. Et quand Eminem chante. C'est parti. Rihanna. C'est la petite Rihanna qu'on reconnaît. Eminem. Et Nem, comme vous l'avez dit, le rappeur Nem qu'on adore. Pour finir, quelle troupe de chanteurs bien connus a interprété ça? J'adore. Faut du volume sous le téton. Les Enfoirés. Les Enfoirés, c'est une très bonne réponse. C'est leur dernier single en fait qu'ils ont fait au profit de l'association. Oui. Les Restos du cul. Ah mais c'est bien. Mais non. Comment il arrive à lui faire croire qu'il y a une chanson qui existe sur Vive les Nichons quoi. Alors autant hier on a écouté Pan, je lui mettrai une cartouche. Mais alors Vive les Nichons, quelqu'un connaît autour de la table? Pas du tout connu au bataille. C'est ce qu'il semblait, hein. Vacher, franchement c'est un malade le gars. C'est le seul à réussir à faire croire ce genre de choses. Cette pauvre petite vieille dame qui a cru quoi. Allez, le Vacher Time c'est tous les matins entre 6h et 9h sur Fun Radio. Et là on continue avec le son Dance Floor de Daft Punk sur Fun. Time I knock, he can help but let me in. Must be homesick for the real. I'm the realest it gets. You probably still adore me with my hands around your neck. Can you feel the warmth? Yeah. my kiss goes down you like some sweet alcohol. Where I'm coming from, yeah, is a darker side of me that makes you feel so numb. Cause I like hell to burn when I'm not, then you're by yourself. Man, the answer to your prayers. You're my manna from heaven, we all gotta get fed. Can't let me know I'm wanted, can't let me in your head. I'm not here to make you kneel, but it's praise that I get. You ain't gonna walk free, boy, not finished with you yet, no. Can you feel the warmth, yeah. As my kiss goes down, you like some sweet alcohol. Where I'm coming from, yeah. The darkest side of me that makes you feel so numb. Cause I like hell to burn when I'm not, then you're by yourself. Am I the answer to your prayers? I'm giving you the pleasure of heaven, and I'll give it to you hotter than hell. Ça se passe, Final Song et juste après, oh là là, on est comme des fous. Il y a le nouveau Aaron Chupa qui arrive, on vous l'a fait découvrir le toit. C'est le meilleur son de tout l'hiver, les gars. Ça arrive après les potins. Tout, vous saurez tout sur le zi. Sur les people. Vous saurez tout sur les people. C'est l'heure des potins et popotins sur Fun Radio. Ouais, c'est l'heure des potins et popotins. Et Fab nous a promis du lourd aujourd'hui. Il m'a dit j'ai une info de dingue. Des trucs de ça, dingue. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Calvin Harris, yeah, notre DJ préféré sur Fun Radio, qui j'adore. Faisait bon son. Il collabore avec une artiste pour le moment. Attends. Avant de quoi? D'abord on va entendre, parce qu'on a été les premiers sur le coup ce matin dans Bruno dans la radio à vous le diffuser, le tout nouveau Calvin Harris. Il sait, ouais, les autres radios elles sont à la traîne comme d'habitude. Oh là, eh bah qu'est-ce que tu crois, on a des relations. Oh. Le nouveau Calvin Harris, ça ressemble à ça. My Way. De la bombe, le nouveau Calvin Harris, My Way. Ah bah tout va bien pour lui, hein. Et ah ça je crois, et je crois que monsieur va bien. Le prochain morceau qui va sortir, il va être pas mal non plus, parce qu'il collabore avec une artiste là de 47 ans, un peu plus vieille que lui, mais 47 ans. Céline Dion. Non, une artiste, j'ai dit. Une nana qu'on aime bien, qui fait des bonnes chansons. Mylène Farmer. Non. On l'aime pas, elle. Non. Bien gaulée, célibataire depuis pas longtemps. Bien gaulée. Selena Gomez. Ah bah non, 47 ans, non, ça marche pas. Ariana Grande. Ah ouais, non. 47 ans. Jennifer Lopez. Oh non. Celle qui chante I'm a coquinade. And your mama. Ouais. Et donc, ils s'occupent à bosser ensemble, mais ils font pas que bosser. Comment ça? Ils couchent ensemble? Ouais. Mais non. Bah si, écoute, elle est célibataire. Elle aime bien les hommes plus jeunes. Calvin Harris, il a quel âge? 32. Et elle? 47. Ah ouais, mais non, hein. Ça fait 15. Ah ouais, mais non. J'ai calculé pour toi parce que je sais que t'as du mal avec le calcul mental. Merci d'être là, Fab, ça me fait plaisir. Non, mais rien, c'est parce que. Alors, j'ai rien contre la différence d'âge parce que ça, l'amour, ça se calcule pas. Mais par contre, ça me fait chier royalement. Je vais le dire comme ça, Jennifer Lopez, elle me vole Calvin Harris, quoi. Et Jennifer Lopez, elle fait pas 47 ans, excuse-moi. Genre, elle corps d'une gamine de 25. Elle est bien gaulée. Elle est très, très, très, très jeune. Attends, excuse-moi, mais il y a aussi Photoshop. Tu l'as jamais vu Photoshop. En vrai. Bah, ça se trouve, elle est vraiment moche. Qu'est-ce que t'en sais que j'ai jamais vu en vrai? Bah, chance, parce que je. Parce que. Ah, voilà. J'aurais pu. Je l'ai pas vu, mais j'aurais pu. Et donc, ça fait combien d'années de différence d'âge là? 15. On est à 15 ans. 15 ans, ouais. Bah, c'est quoi le plus. Dans vos entourages et tout, quelqu'un qui est sorti avec un plus jeune, c'était combien max? Moi, j'avais 19 ans à un moment donné et je suis sorti avec une fille qui en avait 47. Oh là là! Et je me souviens quand elle m'a présenté. C'est de la pédophilie, ça. Elle m'a présenté son fils, il était plus âgé que moi et il voulait me tuer, le mec, parce que. Enfin, clairement, il avait compris que j'étais pas avec sa maman pour faire un truc sérieux. Mais ça c'est trop, hein. On aurait dit, ah oui, non, mais c'est moi, je me faisais les dents, tu vois, c'est comme quand t'apprends à conduire, t'as aussi un vieux truc. Tu t'en fous des coups. C'est horrible, on va demander l'avis de Thomas, là, qui vient de Sambreville. Salut Thomas, ça va bien? Bien, toi, Audrey. Ah bah écoute, ça va, t'as entendu le gros porc que je dois me coltiner chaque jour dans l'émission. Bim. C'est pas facile, hein, Thomas. Ils ont bien raison. Oh bah non. Lui aussi, il aime bien Laura Gondin. Est-ce que toi aussi, tu t'es fait les dents sur un vieux brol? Tout à fait. Ah bah voilà, ah bah bravo. C'est pour ça. Thomas, t'es déjà sorti avec une plus âgée que toi ou une plus jeune? Une plus âgée. Ah, de combien? Mais j'ai couché une fois avec une femme de 41 ans, j'en avais 19. Ah bah ça peut pas rien. Voilà. Oh, mais ça c'est dingue ça. Mais non, on fait nos armes, on fait nos expériences, on apprend avec une femme de 41 mais ans. Mais c'est des cougars, tu oui, peux pas faire ça. Oui, il y a des femmes de 41 ans qui sont encore hyper jolies, hein. Oui, mais ça je dis pas, mais tu peux pas. Pourquoi? Non, bah non, faut pas déconner. Non. Quand tu regardes Audrey, ça va, on est bien foutu quoi. Eh, j'ai que 28. Non, mais si t'as jusqu'à 15 ans de différence, je trouve ça va. Après, je sais pas, je trouve ça beaucoup moi. Après, non. Tu comptes plus. Non, ouais, c'est ça. Et de l'autre côté de la radio, vous connaissez des couples autour de vous, genre qui ont une méga grosse différence d'âge? Balancez vos messages, la 30-44. J'arrive pas à dire jusqu'à quel âge tu peux sortir. Tu vois, genre. Toi, t'as eu un plus vieux déjà? Moi, faire un plus vieux? Ouais, ou un plus jeune? Attends, je réfléchis. Plus jeune, ça c'est sûr que non. Parce que ça, je veux pas. J'ai pas envie qu'on me dise que je suis une cougar, mais plus vieux. Ouais, une fois. Non, mais combien? Ah, de combien? Non. De deux ans. Non, de pas beaucoup. Il avait 41 ans, j'en avais 20, quoi. Mais c'est pareil, c'est la même chose, hein. 19 et 41. En fait, il vient de dire 19 et 40, ouais, non, et toi, c'est 20. Sauf que quand c'est femme et homme, c'est pas pareil, tu vois. Voilà, c'est ça. Bah, lui, il a dû aller chez ses potes au bridge en faisant je me suis levé une petite gamine de 19 ans, les mecs. Et ça a été ton dos? Oui, j'ai pris une pilule bleue avant. Bon, et vous, de l'autre côté de la radio, ça vous est déjà arrivé, vous aussi, de sortir avec un plus vieux ou une plus vieille ou une plus jeune, hein, peu importe, hein, 30-44 pour vos messages. Thomas, merci beaucoup d'être passé dans l'émission. Tu reviens quand tu veux, d'accord? Merci à toi, André. Juste un petit message. Ouais, vas-y. 15 euros. Fais-toi plaisir, Thomas, vas-y. Juste un petit bisou à ma petite femme qui est 5 ans plus jeune que moi, jour pour jour. Oh. Donc voilà, je l'aime très trop. Oh, trop d'amour aujourd'hui. Trop d'amour, c'est tout mignon, tout plein, Thomas. On te fait des gros bisous à toi et à ta chérie. La suite du son maintenant, c'est avec moi que ça se passe, Final Song. Et puis à Rochouba. Dans moins de 5 minutes sur Fun Radio. Et on attend tous vos petits messages, hein. 3044, c'est le numéro pour les envoyer. Accrochez-vous. Oui, dans la radio. Salut, c'est Bruno, on fait l'appel? Christina, présente. Karina, Mika et Anto du JPI. Présent. Rachet, présent frère. Meryl, Nicolas du web, on est là. Fonf, je suis là aussi. Salut, c'est Luzman. Elliot, et ouais, je suis là. Réveillez-vous avec l'appel de Vaché, le JPI, le choc des générations, le paiement de vos factures et du son dance floor. Depuis le 29 août, Bruno dans la radio, 6h-9h sur Fun Radio. Ah, la nature, les petits oiseaux, qui le grand air, et nous, rien que nous. Ouais. Pas une maison, pas un village à 10 km. Non, parce qu'il n'y a rien. Et pas le moindre distributeur Ford à l'horizon. Pouh, l'horizon c'est loin. Oh, oui, c'est loin. On s'en va? On s'en va. Eh oui. Résistez à la très belle finition sportive ST-Line. Des Ford Fiesta, Focus et Monteo aux performances des du 15 au 30 septembre chez votre distributeur Ford, ce sera une vraie performance. Ford, go further. Plus d'infos sur Ford.be. Bonjour madame, je viens pour me faire couper les prix. Ah, vous avez de la chance, chez Pearl Opticien, on coupe justement les prix en deux sur toutes les lunettes, verre basique inclus. Et vous les coupez comment? En dégradé? On les coupe comme vous voulez, mais toujours en deux. Bien dégagé derrière le portefeuille, je suppose. Oui, tout à fait, des prix coupés en deux. Magnifique. Pearl Opticien coupe les prix en deux. Profitez-en vite. 50% de réduction sur toutes les lunettes, verre basique inclus. Ça vous la coupe, hein? Conditions sur pearl.be. Coucou, c'est moi, Hip. Une grande soirée ou un petit repas, il y a toujours un vin qui vous convient. C'est la foire au vin dans votre hypermarché Carrefour. Alors profitez de notre grande action. 3 bouteilles de Château Laborne achetées, bam, 3 gratuites, soit seulement 4,50€ la bouteille. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin, notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Pierre rejoint sa toute nouvelle Seat Ateca, les mains chargées de courses. Max, son fils, se précipite pour l'aider. J'ouvre le coffre, pas ? Laisse, je vais le faire avec mon pied. Les voici maintenant sur la route. Attention, pas, il y a une voiture qui nous dépasse, là. T'inquiète, mon rétroviseur m'a déjà prévenu. Arrivé dans leur rue, Max lui dit... Là, regarde une place, ça va aller ? Demande à ma voiture, elle se gare toute seule. Bon, si ta voiture fait tout, je peux la conduire. Ah, c'est ça. Nouvelle Seat Ateca, avec freinage automatique d'urgence. Le SUV le plus équipé du marché, à partir de 19 990 euros. Découvrez-la lors de nos portes ouvertes, du 14 au 24 septembre. Seat. The best DJs on Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. I tried hard to make you want me, but we're not supposed to be. And the truth will always haunt me, even though it set me free. And my tears flow like the ocean as they floated in the breeze. They were falling in slow motion, and they brought me to my knees. Oh, you're haunting me, taunting me, all in my brain. Turn out the light and now all that remains fills me with doubt, and I'm shouting your name out loud. Why do you wanna put me through the pain? I get the feeling I'll never escape. I get high and away from the shame of you. Tears on the ground, tears on my pillow. You won't bring me. Qu'on aime autant que le chocolat. Enfin, le chocolat, c'est peut-être un peu too much. La seule émission qu'on aime plus que les brocolis. Oh, ah voilà, ça c'est bien les brocolis. 17h à 20h sur Fun Radio. Please, won't you wait, won't you stay? At least until the sun goes down. When you're gone, I lose faith, I lose everything I have found. Heartstrings, violence, that's what I hear when you're by my side. Yeah, that's what I hear when you're by my side. Song. Don't let this be our final song. bienvenue sur Fun Radio si vous venez de vous brancher. Nouveauté, new music, découverte Fun Radio. Il y a Bernard qui vient de Charleroi qui va venir à l'antenne dans quelques petites minutes dans la Power. Mais d'abord, on vous a calé le tout nouveau son d'Aaron Chupa. C'est une tuerie, bienvenue sur Fun Radio. Ça sera avec Pitbull que ça se passe. Et on a Bernard qui vient de Charleroi qui est là. Bébert, ça va? Ça va, Bébert? Salut, Audrey. Salut. Oh merde. Ça va, Bernard? J'ai pris l'apéro. Ça va? Je suis déçu. Hein. Normalement, Bernard, tu vois, c'est un nom de vieux, donc du coup, qu'est-ce t'as une personne vieille au téléphone. Bah, Bernard, je peux vous dire, il a 47 ans. Et alors, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Ah oui, au fait. Ah, bah, je pensais qu'il était plus jeune en fait. Excuse-nous, hein, Bernard, mais le monsieur n'a pas encore mué. Alors, tu vois, dès que tu dis que t'as 47 ans, ça l'impressionne le petit. Hein. Désolé, papy. Oui, mais je suis pas impressionné par lui. Non, tu cherches la faille. Il est plus petit, lui. Il est plus. Tu voilà. M'étonnes. Bon, et mon Bernard, on parlait des différences d'âge là pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre sur Fun Radio parce qu'on a appris que Calvin Harris sortait avec Jennifer Lopez. C'est le Fab qui nous a balancé l'info. Ouais. 15 ans de différence. Bernard, toi, est-ce que t'es déjà sorti avec quelqu'un de... Moi, je sais pas, de plus jeune ou de plus vieux, quoi. Je suis avec quelqu'un qui a 16 ans de différence. 16 ans plus vieux. Oui, bah, y a pas d'âge dans la coupe, voilà. Oh merde. Non, mais quand même, à un moment donné, ça devient difficile, hein. Il y a encore le dentier ou pas? Non, ça se passe super bien. Bon, il y a des hauts et des bas, mais sinon, c'est bien, quoi. Ouais, mais c'est bien. C'est qui est plus jeune? Il y aura fait 2 ans en février qu'on était ensemble. Oh, c'est mignon. C'est toi qui es plus jeune ou c'est elle qui est plus jeune? C'est moi qui suis plus vieux. Ah d'accord, c'est toi qui es plus jeune qu'elle. Ah c'est bien oui, ça oui, non, mais après, il y a des expressions du style c'est dans les vieilles casseroles qu'on fait les meilleures soupes.

le monde bouge. Tu n'as pas idée. C'est chaud. Pourquoi verbaliser? C'est chaud. L'ambiance est validée. C'est chaud. Le terrain balisé. C'est chaud. Laisse-les parler. Demain on aura zappé. Laissez-les gourmands. Laissez-les gourmands. Laissez-les gourmands. Laissez-les gourmands. Laissez-les gourmands. Hey, it's Martin Garrix and you're now listening to Fun Radio. Fun. The song dance floor. Fun. If I told you this was only gonna hurt, if I warned you that the fire's gonna burn, would you walk in? Would you let me do it first? Do it all in the name of love. Would you let me lead you even when you're blind? In the darkness, in the middle of the night, in the silence, when there's no side, would you call in the name of love? In the name of love, name of love. In the name of love, name of love. In the name of would you trust me when you're jumping from the heights? Would you fall in the name of love? When there's madness, when there's poison in your head, when the sadness leaves you broken in your bed, I will hold you in the depths of your despair. But it's all testify, screaming the holy lie. You bring me back to life, and it's all in the name of love. I wanna testify, screaming the holy. Branché sur Fun Radio, le son des fleurs continue avec Jonas Blue, Perfect Stranger. J'espère que votre après-midi se passe bien. Enfin, quoique la 18h45, c'est plus vraiment l'après-midi. Hein. La meuf qui a pas la notion du temps de ce genre. Allez, bon réveil à tous. Bienvenue sur Fun Radio. Comment ça va bien? Et c'est quoi ce bruit bizarre qu'on a entendu? Qu'est-ce que t'as foutu comme bordel? Mais j'ai rien fait. Qui a touché son micro? Pourquoi allez, vous me regardez? C'est Fab. Mais j'ai pas touché moi. Au coin. Bon, vous allez pas me gâcher ce moment de toute façon, puisqu'on est en train de parler d'amour dans cette émission. Donc je ne veux pas de grossièreté. Je ne veux pas de sexe non plus. Ça y est, voilà. Ça, c'est vrai. Mais quoi? Il n'y a pas d'amour sans faire l'amour. Alors oui, c'est vrai. Ah, ça c'est beau ce que tu dis, Fab. Pour faire l'amour, c'est sexé. C'est. Ça partait bien, ça se termine mal, c'est pas grave, j'ai l'habitude. Alors je vous ai demandé de me dire par SMS au 3044 si vous étiez déjà sorti avec quelqu'un de plus âgé, de plus jeune. Et si ça se passe bien quoi, parce que parfois c'est compliqué. Il y a Joyce qui est là, qui vient d'ici. Salut Joyce. Salut. Ça va Joyce? Ça va et vous? Bah ça va, et c'est où si, ça se dit comme ça? C'est près de Nantes. Oh. Oui, c'est ça. C'est près. Et elle, elle dit oui, c'est ça. Non, Léa. Joyce, c'est près d'où? Ça se situe où, ça? Près de Enghien et tout ça. Ah, j'allais dire, ça va, tu sais où tu habites ou elle, même elle sait pas où elle est, tu vois. Bon, Joyce, tu nous as envoyé un petit message parce que toi, apparemment, t'es déjà sortie ou tu sors encore avec quelqu'un de plus âgé que toi. Ouais, c'est ça. Et il a quel âge? 27 ans et toi t'en as 17, ah ouais, 10 ans de différence. Bon, mais ça va, ils sont jeunes encore. Ah non, mais ça, alors, l'âge, pile poil, genre 17-27, ça c'est le truc qui peut faire flipper grave les parents. Hein. Pourquoi? Bah, parce que 27 ans, le gars il est déjà, tu vois, il est lancé dans la vie, il a son taf sûrement, il bosse, sauf si c'est un chômeur, bon ça va. Bah sinon, s'il bosse, pareil, il a son appart, ça peut aller plus vite quoi, tu vois. Et si tes parents ils n'ont pas flippé? Si, non, Joyce, pardon, je t'appelle comme la ville. Et Joyce, tiens, en parlant de ça, est-ce que ton mec il veut faire des enfants là ou pas du tout? Alors c'est attends, pas tout de suite. Faut lui la paix. Mais il a 27 ans, tu vois, c'est ça un peu le truc. Nous on n'a pas d'horloge biologique, ça fait pas tic-tac chez nous. Hein. Non, c'est ça quoi. Quand même, c'est chez Joyce, il t'a déjà demandé ou pas? Non. Bah, là vous en êtes où? Genre toi t'es chez tes parents et lui il est chez lui ou comment ça se passe? Non, lui il est chez ses parents aussi. Bah non, mais. Ouais, ça pourrait. Mais... Vous faites comment? Pardon? Vous faites comment là? Vous êtes genre t'habites encore chez tes parents toi, Joyce? Ouais. Ouais, bah voilà, c'est tout bon, tranquillou, on y va gentiment. Ah, vous allez quoi. Doucement. Et voilà, ça fait combien de temps, Joyce? Ça fait un an. Un an. Oh, c'est mignon. En plus, c'est le début, c'est cool ça. Bah, ouais, ça fait quand même 26 ans, 16 ans. Hein. Ouais. Des petits coquins, le copain. Hein. Eh bah, c'est pas grave. Voilà, il l'a pris au berceau, ça, il l'a pris, c'est hein. tout. Joyce, je te fais des gros bisous. J'espère que ça se passera bien avec ton chéri en tout cas. Ça va, merci. Gros salut, bisous. Joyce, gros bisous. On me dit coucou, Audrey. On a 10 ans de différence avec ma femme. On est mariés depuis près de 2 ans et on a un petit bout de 5 ans et demi, c'est que du bonheur. Oh. Mon copain et moi, on a 10 ans d'écart et on vit le parfait amour. Gros bisous à toute l'équipe. Oh, c'est beau tout c'est ça. C'est mignon. Hein. Et on me dit, moi j'ai 25 ans et mon mec, enfin mon compagnon, 44. Ah ouais, c'est. Ouais. Qui dit mieux? On va faire les enchères. Il va mourir avant toi et puis tu vas hériter, c'est bien. Dans certaines situations, ça peut être sympa, hein, tu sais, tu profites. Tu vas faire le juste prix, Sandro. Bah oui, on va voir qui est le plus élevé. Ah, le gars, il est chez lui, tu sais, il se fait un kiff, il est là, ok, ça parle de chiffres. Moi, je suis alors, le juste 47. Prix. 47, qui dit mieux? Qui est déjà sorti? 54. C'est vraiment, t'es sorti avec une meuf de 54? Ah, c'est ça que vous voulez savoir? Bah ouais, bah ah oui, oui 50, peut-être même plus. Ouais, 54. 54 ans, Kéké. Bah 24. 24, c'est nul. Allison. Moi, il avait 33. 33 ans. Là, Sandro. Elle avait 14 ans. 14 non. ans. Ça, tu peux pas dire. Allez. Non, je déconne. Eh, on se fait un juste prix sur Fun Radio. Vous, c'était quoi l'âge genre le plus vieux que vous vous êtes tapé dans votre live? C'était combien? 30-44 pour vos messages. Et c'est n'importe quoi de faire un juste prix là-dessus. Sérieux, j'assume pas. On va se faire le son de Jonas Blue et on prendra quelqu'un à l'antenne après qui s'est tapé. Mais un vieux. Mais genre, ça pendait de partout, quoi. C'est dégueulasse. Rencontrez votre DJ star Fun Radio, David Guetta, lors de son concert le 21 octobre au Etias Arena d'Asselt. Toute la semaine, écoutez Fun Radio sans arrêt. Dès que vous entendez deux titres de David Guetta à la suite, c'est le double fun sur Fun Radio. Salut, c'est David Guetta sur Fun Radio. Soyez le premier à envoyer concert par SMS au 6322. 1€ le message et gagnez vos places pour vous éclater avec David Guetta le 21 octobre au Etias Arena d'Asselt. Et peut-être gagner votre rencontre avec le DJ Fun Radio. Les concerts de vos stars préférées, ça se gagne uniquement sur Fun Radio. Fun Radio, c'est ma radio. Le son Dance Floor. La saison des festivals touche à sa fin. C'est pourquoi Jupiler présente le Festival National. Le festival clôture vraiment l'été, c'est 16 et 17 septembre, avec de la musique live dans 600 cafés Jupiler. Découvrez les cafés participants sur jupiler.be. Une bière se déguste avec sagesse. Hier, c'était de nouveau. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Oh, je sais pas quoi choisir. Ouais, tout est super beau, quoi. Oh oui. Et toi, t'as pris quoi? La chemise, le top ou le pull? Sophie? Mais t'es où? Ici, je suis déjà à la caisse, hein, j'ai pris les trois. Maintenant chez CA, 2 plus 1 gratuit sur tous les hauts dames. CA. Bonjour. Bonjour monsieur, je viens pour la Polo. Oui, alors, pour 129 euros par mois, vous avez une Polo. Ok, je la prends. Et donc je vous parle pas de son front assist et son système de freinage d'urgence en ville? De sa radio à écran tactile ou de son verrouillage centralisé? De ses vitres électriques à la... Non, je connais, je la prends. Ah, c'est décidé? Ah oui, c'est décidé. Pendant les portes ouvertes jusqu'au 20 septembre, profitez de nos conditions exclusives sur toute la gamme Volkswagen. Par exemple, une Polo à partir de 129 euros par mois en location pour particuliers.

reason why. You got me feeling this way. There's so much we can't explain. Maybe we're helping each other escape. I'm with ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Si vous venez de vous brancher, c'est du Belge qui arrive côté son dance floor avec Alex Germis. Alors pour le prochain quart d'heure, je vous ai calé du David Guetta. Il y aura aussi du Diero et puis le nouveau Feder. Avant ça, on va accueillir Tamara qui vient de la Louvière. Salut Tam, ça va bien? Hein, quoi? Qu'est-ce que tu dis là, Alison là? J'attends qu'elle me décroche. Ah, qu'elle me décroche. Ouais, donc on va accueillir personne parce qu'Alison elle a pas téléphoné quoi. Bravo! Mais si! Bravo! Romain Desbois il fait pas le taf quoi. C'est quoi? Moi je te laisse dans la merde, je te regarde. Vas-y, pleure. Ça marche pas. Voilà, ça marche. Eh, je peux la taper pour la faire pleurer si vous voulez. Ouais, vas-y, tape-la une fois pour voir. Non, je rigole. Vas-y. Non, mais alors, je vais lire son petit message à Tamara parce que c'était tout mignon. Elle me dit moi, je suis avec mon mec depuis 7 ans et on vit l'amour. Tout est beau. Traduction, on vit le sexe. Yeah. On me dit bonjour, mon épouse est 7 ans plus jeune que moi et ça fait 20 ans que nous sommes mariés. Ce qui prouve que l'âge n'a pas d'importance en amour. Nous avons deux enfants, une fille de 18 ans et une de 14 ans. Bah, vous voyez, il y a des gens heureux. C'est ça qui est beau. Fab, ça fait combien de temps que t'es avec ta copine? Ça fait un an bientôt. Et vous avez combien d'années de différence? Ah oui, j'avais pas pensé à ça, on a 10 ans. Ah, parce que monsieur, il dit pas que t'as plus petite jeune. Ouais. Non. Eh ben moi, je veux dire félicitations à moi-même, parce que pour un petit gros chauve à lunettes, attends, tomber sur une petite jeune... Laisse-moi réfléchir. De... Ah non, il y a les infos, on n'a pas le temps. L'assurance au kilomètre de Corona Direct. Maintenant, 3000 km gratuits au 02 244 22 22 ou sur coronadirect.be. Bah, c'est beaucoup plus intéressant ce que Carlo a à dire. Hein. Les infos de Carlo, c'est maintenant. Bonsoir Carlo. Salut Audrey, salut à tous. La Corée du Nord est prête pour la contre-attaque face à la provocation des États-Unis. Voilà ce que vient d'affirmer le ministre nord-coréen des Affaires étrangères lors du sommet des pays non alignés au Venezuela. La provocation dont il parle, c'est le survol de bombardiers US ce mardi dans le ciel de Corée du Sud, en réponse à un nouvel essai nucléaire de Pyongyang qui était lui-même une réponse à des vols similaires des Américains, qui étaient eux-mêmes une réponse à d'autres essais nucléaires. Alors, je ne sais pas qui a commencé ce petit jeu, on ne va pas jouer à l'œuf et à la poule, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un moment où il faudra arrêter la surenchère, sans quoi cette histoire va très mal se terminer. Ce qui risque de mal se terminer également, c'est l'élection présidentielle aux États-Unis en novembre prochain, en tout cas si c'est Donald Trump qui gagne. Or, à 50 jours du scrutin, le populiste de droite est au coude à coude avec sa rivale démocrate Hillary Clinton dans les sondages. Hillary Clinton qui vient de reprendre sa campagne après quelques jours de repos dus à des problèmes de santé. Et elle va devoir vraiment mettre le paquet en espérant qu'elle en soit physiquement capable, parce que c'est donc très loin d'être dans la poche pour elle. D'autant qu'à peine 38% des électeurs démocrates se disent très enthousiastes à l'idée d'aller voter. Ils étaient encore 47% au mois d'août. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de très nombreux sympathisants démocrates risquent de ne pas se rendre aux urnes le 8 novembre, ce qui pourrait faire la différence en faveur de Trump. Prenons en début le flash, des problèmes entre les États-Unis et la Corée du Nord. Cela dit, ce qui provient de la péninsule de Corée et qui risque d'exploser aux USA n'a rien à voir avec une bombe nord-coréenne, hein, mais bien avec la Corée du Sud, fidèle allié des Américains, puisque je veux parler d'un million de smartphones Samsung Galaxy qui ont été rappelés, vu qu'ils présentent donc un risque d'explosion. Ce sont les appareils achetés avant le 15 septembre qui sont concernés, et les States deviennent ainsi le premier pays hors de la Corée du Sud à prendre une telle décision. La Commission américaine de protection des consommateurs précise que 92 incidents ont été enregistrés à ce jour dans le pays, dont 26 portent sur des explosions ayant entraîné des brûlures. Du foot, et la 7e journée du championnat de Belgique qui débute ce soir avec Charleroi-Malines, l'occasion pour les Zèbres de reprendre provisoirement la tête du classement. De quoi faire plaisir à Audrey, bien sûr, en tout cas jusqu'à demain soir. Demain samedi, justement, le club brugeois reçoit Eupen, a priori une rencontre déséquilibrée entre le champion en titre et le promu. Mais les deux équipes sont actuellement à égalité, hein. Nous avons également Westerlo-Moucron, ou le dernier contre l'avant-dernier. Enfin dimanche, Anderlecht va à Genk, pas facile, et le Standard se déplace à Lokeren. Fun Radio. Nouvelle Seat Ateca avec freinage automatique d'urgence. Le SUV le plus équipé du marché à partir de 19 990 euros. Découvrez-la lors de nos portes ouvertes du 14 au 24 septembre. Seat. Avant 20h sur Fun Radio, il y a une pizza party qui va tomber. Ça vous dit de repartir avec 50 euros de pizza chez Pizza Hut? Et bah vous vous inscrivez maintenant, hein. Vous envoyez Happy par SMS au 6322. On se fera ça avant 20h, c'est promis. Côté son dance floor, je vous ai gagné un petit Alex Jermis. C'est ce qui arrive après la météo. Entre 17 et 21 degrés ce week-end, alternance de passages nuageux et d'éclaircies. Demain, un petit peu plus de soleil dimanche, en tout cas sur l'ouest et le centre du pays. Quelques averses sur l'est du territoire. Voilà, tous un excellent week-end. Je vous retrouve lundi à midi. Et vous laissez en compagnie d'Audrey et du son d'Alex Jermis. Salut. Fun Radio. Pendant les portes ouvertes Volkswagen jusqu'au 20 septembre, profitez de nos conditions exclusives sur toute la gamme. Rendez-vous chez votre concessionnaire ou sur Volkswagen.be. L'Happy Hour, 17h-20h sur Fun Radio. So far. Guetta qui arrive sur Fun Radio. Salut. Peut-être bien qu'il y aura un deuxième David Guetta juste après, ça veut dire que c'est le double fun. À vous de jouer, vous envoyez concert par SMS au 6322. Si c'est le cas, on se fait ça peut-être après l'horoscope. Je vois. C'est l'heure de l'horoscope sur Fun Radio. En plus de ça, c'est pas n'importe quoi, hein, parce que non seulement on vous file des places là pour aller voir David Guetta, mais aussi une rencontre avec le ça, roi du bon, DJing ça. Carrément. Donc allez-y, hein, préparez déjà votre petit message. Moi, je peux vous dire, je le vois. Je pense bien qu'un deuxième David Guetta va arriver à tout moment. Donc allez-y, concert par SMS au 6322. On verra si ça tombe juste après l'horoscope et on va vous dire si vous êtes un obsédé sexuel. Alors, je n'avais pas lu avant, donc je découvre. Hein, je tiens à m'excuser personnellement pour le thème de cet horoscope. Ça m'étonne pas que c'est Fab qui l'écrit. Hein. C'est scandaleux, c'est parti les béliers. Non, du tout, vous n'aimez pas le sexe. Déjà tout petit, vous le disiez à tonton. Tonton, j'aime pas beaucoup ce qu'on fait et que je dois pas dire. Les taureaux. Vous adorez le sexe et ne pensez qu'à ça. Votre plus grand rêve, pratiquez. Gémeaux. Tous les sites porno vous appellent par votre prénom, ça répond à votre question. Les cancers. Vous êtes tellement obsédé par le sexe que vous arrivez à vous toucher sur le catalogue d'Ama. C'est dégueulasse, les lions. Si votre bras gauche a cette taille-là, c'est pas parce que vous faites du sport, mais parce que vous n'arrêtez pas de vous toucher. Les vierges. Oh. Vous passez des heures sur le net à faire des recherches cochonnes. À chaque fois que vous cherchez quelque chose, Google a envie de se suicider. Les balances. Vous n'aimez pas le sexe et n'y pensez jamais. Et vous voulez savoir quoi? Eh ben c'est réciproque, lui non plus vous aime pas. Fais attention à ce que tu vas dire sur les scorpions. Vous êtes obsédé, mais pas par le sexe. Votre truc, c'est le chocolat. Oh, d'ailleurs, ouais. Vos fesses sont tellement grossies, vous ne pouvez plus pratiquer. Oh. Bah, attends. Excusez-moi, ça passe plus. Bah, ça si. Ne passe plus. Attends, imagine Kim Kardashian, tu te la taperais, non? Oui, mais non, je voyais des fesses beaucoup plus grosses. Ah, encore plus grosses que ça, d'accord. Autant pour moi. Les Sagittaires. Vous êtes un vrai obsédé sexuel, d'ailleurs, c'est pour ça que vous purgez actuellement une peine de 12 ans. 12 ans, comme votre ex. Capricorne. Oui, vous êtes totalement obsédé. Et c'est pas pour rien que vos amis vous ont donné un nouveau surnom, Chlamydia. Chez Scotex, ils ont une photo de vous, vous êtes leur meilleur client et c'est pas parce que vous pleurez beaucoup. Et on termine avec les poissons. Vous pensez aussi souvent au sexe que Jean-Marie Le Pen au problème de sécheresse en Afrique. Oh la vache. Mais le mec il se fait plaisir de ouf, hein. On voit que c'est la fin de la semaine. Il y a de la folie ici sur votre radio. Bon, les copains, si vous êtes vous branchés dans la Power, sachez que c'est aujourd'hui qu'on va connaître le grand gagnant de la rencontre avec David Guetta. David Guetta qui arrive là maintenant, hein, côté son dance floor. S'il y a un deuxième David Guetta qui arrive juste après, c'est à vous de jouer. Il est en concert avec nous du côté d'Asselt. Et bah, vous envoyez tout simplement un petit message concert par SMS au 6322. C'est ce qu'il faut envoyer. S'il y a un deuxième David Guetta, je vous rappelle juste après. C'est promis, bonne chance. When the sun goes down and your eyes cannot see. When the sun goes down and your hands cannot reach. When your bones feel like breaking and your heart cannot take another run. I'll be there when the sun. Just too good to Fun sur Fun Radio. Salut, c'est David Guetta sur Fun Radio. Double Fun. Envoyez maintenant concert par SMS au 6322. Un euro message et gagnez vos places pour vous éclater avec David Guetta le 21 octobre au Etias Arena d'Asselt. Et peut-être gagner votre rencontre avec le DJ Fun Radio. Fun Radio, c'est ma radio. C'est ma radio. C'est ma radio. Pour vous éclater avec David Guetta le 21 octobre au Etias Arena d'Asselt. Et peut-être gagner votre rencontre avec le DJ Fun Radio grâce à Fun Radio. Double Fun. C'est que avec Fun Radio que ça se passe. Et ouais, c'était les toutes dernières places qu'on va balancer là maintenant à l'antenne. Vous avez joué, vous avez repéré le Double Fun, vous avez envoyé concert par SMS au 6322. Et ben on a Ludo qui est là, qui vient de Binche. Salut Ludo, comment ça va? Salut Audrey, comment allez-vous la tribu là? Tout le monde va bien? C'est la Pio War l'après-midi, qu'est-ce que tu fous Ludo? Oui, ben je sais, parce que vous êtes une tribu, vous êtes une bande quoi. Voilà, c'est bien. La tribu de Dana. Voilà, si tu veux, ouais, aussi, pourquoi pas. Ça va, Ludo. Il retombe bien sur ses pattes lui. Ça va bien, ça va bien. Je parie que tu es commercial dans la vie. Non, pas du tout, chauffeur poids lourd. Attends deux secondes, je m'excuse, mais je dois arranger un truc avec Sandro. Pourquoi tu mets la tribu de Dana de... Bah oui, parce qu'il parlait de la tribu de Dana. Voilà. Dans la vallée. Faut suivre un petit peu, Audrey. Faut suivre. Non, je ne suis plus, Ludo. Je ne... Non, y a une... à une certaine heure, je me déconnecte. Je n'y arrive plus. Ah, il me semble bien. Ludo, t'as joué pour repartir avec tes places pour aller voir David Guetta? Tout à fait. Ah bah écoute ça. T'es gagné. Bravo. C'est tout bon, ça. Merci, Fun. De rien. Un concert pour la tribu de Dana, tu gagnes. Mais non, Ludo, tu vas y aller avec qui à ce concert de David Guetta? Bah, je vais faire plaisir à ma compagne, je vais aller avec elle. Bah, c'est cool. Elle aime bien aussi, donc on va en couple, en amoureux. Oh bah c'est tout bon. Hey, Ludo, là déjà tu repars avec tes deux places. Et puis dans quelques minutes, avant 20h c'est promis, on va filer carrément une rencontre parmi tous les auditeurs qui ont remporté des places comme toi. Alors il y a Cathy, Christelle, Cyrielle, Aline, Florence, Pierre-Philippe, Roger, Christophe, Charlotte. Et puis toi Ludo, tu es le dernier gagnant de toute cette semaine. Reste bien à l'écoute de Fun Radio. Avant 20h, peut-être que ton téléphone va sonner et que tu auras la chance, la chance de fou de rencontrer David Guetta. Ça va être un truc de malade. Ludo, je te souhaite bonne chance. Ouais. On fait le tirage au sort dans quelques petites minutes sur Fun Radio. Là, tu c'est du son maintenant. C'est fait exprès, tu vois, c'est pas du suspense. Il y aura Diorwo côté son Explore dans quelques minutes. Et puis le nouveau Feder aussi. Ça, c'est une exclu Fun Radio. Hein. C'est la première fois qu'on vous le passe. Restez bien là. Dans la radio. 6h-9h sur Fun Radio. C'est l'heure du JPI, le journal pas en images. Si vous aimez les crocodiles et la sieste, portez un polo La Poste. Bruno dans la radio. Revient lundi sur Fun Radio. Elle vous fait trembler. Elle vous crée de magnifiques auréoles sous les bras. Elle est la peur de parler à un client dans une langue qui n'est pas la vôtre. Hola, señor Diaz. Muchos chorizos. ¿Cómo está la playa? Estoy Jean-Paul aquí. Ne laissez plus la peur de parler une autre langue vous empêcher de dormir. Le CLL présente les premiers cours de langue avec la garantie de passer à un niveau supérieur. Découvrez vite les cours progressifs du CLL sur cll.be ou appelez-nous au 0800 21 332. Jupiler clôture le Festival National avec une ultime after party. Le Festival Grand Final. Le 24 septembre, à l'ancienne Belgique, avec un show live des Van Jets. Tentez de remporter un duo ticket à l'achat de Jupiler. Infos et conditions sur jupiler.be. Une bière se déguste avec sagesse. Seconde vie à vos vieilles chaussures. Apportez-les jusqu'au 18 septembre chez Brentano. Vous recevrez pour chaque paire un bon de réduction de 12,50€ et vous soutiendrez une bonne cause. Brentano. Info et magasin ouvert ce dimanche, brentano.be. Ah, vous voyez, monsieur Marc, tous ces vins à découvrir, on croirait faire le tour du monde. Et je peux dire qu'ils sont délicieux, petit. Je leur donne un 20 sur 20. Ah, c'est drôle ça. À vous aussi, monsieur Marc, je vous donne un 20 sur 20. Pendant le festival des découvertes Carrefour Market, découvrez des vins jamais bu à prix jamais vu. Vous ne les connaissez pas encore tous, alors venez vite. Carrefour Market, la fraîcheur comme vous l'aimez. Votre savoir-faire se déguste avec sagesse. Découvrez les cours progressifs du CLL avec les nouveaux tarifs dégressifs, tout inclus. Avec le CLL, plus vous progressez, moins vous payez. Appelez-nous au 0800 21 332. Fun Radio. I'm here at the end, yeah. If I could go back to the start, I'd do it again, yeah. I'd live like never before. Now will you remember? Remember me when I'm gone. Remember the heat, yeah. That's keeping you warm, saying bye. Last night. Hour sur Fun Radio. Avec Audrey et son équipe, du lundi au vendredi, 17h-20h, la seule émission qui est presque aussi drôle qu'une blague carambar. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Despacito, mami, yo sé que te va a encantar. Mueve, dale, vamos. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Mueve, dale, vamos. The ones that hold the highest truth. Everyone will know that we will be the ones that hold the highest. Sur Fun Radio, c'est juste une petite bombe. Tu le trouves comment, toi, Sandro? Oh, j'adore. Non, c'est pas vrai. C'est pas ce que ça dit. Comment le balance? Il a dit, on dirait que c'est une musique de foire. C'est pas vrai. Honnêtement, si. Non, il tue le Feder. Vous en pensez quoi, vous, de l'autre côté de la radio? Il y aura DJ Snake dans un instant avec Justin Bieber. Ça, c'est aussi bien. Ça, vraiment, c'est bien. Mais qu'est-ce que ça contre le nouveau Feder, toi, t'es... J'aime pas du tout. Enfin, c'est la première fois que je l'écoute. Après, je vais être comme tout le monde, lobotisé par de la musique. Et je vais aimer. Mais... Garde-le, là, le médicament. Il a dit lobotisé. Il a dit lobotisé. Vraiment. Oh, bravo. Merci, wow. Lira. Bravo. Allez, attends, mais remets-le un peu. Moi j'adore, tu peux faire des chorégraphies dessus, tu vois, genre. Non, là tu t'en parles. Après, tu peux en faire sur toutes les chansons pratiquement des. Ouais, mais sur celle-là, le nouveau Feder, je trouve, tu peux même faire des chorégraphies en mode mannequin robot, quoi, tu vois. Non, non. J'en ai marre dans cette équipe, vous prenez la drogue sans moi, vous m'en donnez pas. J'en veux aussi, je veux goûter. Les gars, écoutez-moi ça. Ça, c'est bien. Là, c'est bien. Mais tais-toi, on kiffe là. Là, c'est bien. Je fais bien le robot. Attends, je vais faire la chorégraphie. Faites-la dans la voiture aussi. Hein. Allez hop, c'est parti. Ça, c'est quoi ça? Ça. Attachez-vous ceinture, ça va démarrer bientôt. C'est n'importe d'accord. quoi. Et allez, moi, attrapez la floche. Kiffe le nouveau Feder. C'est de la... Franchement, c'est de la bombe. Moi, j'adore. Dites-moi, vous, de l'autre côté de la radio, vous êtes de mon avis ou plutôt de l'avis des garçons? 30-44 pour vos petits messages. Et en parlant de musique, eh ben, on a un kéké du standard ici qui est au taquet sur toutes les nouveautés. Le mec, il est sur tous les sites. Et à chaque fois, il sort des sons, mais que même nous, Fun Radio, on n'est pas au courant que ça va sortir. Bah, tu vois ce que je veux dire? T'as trouvé quoi aujourd'hui, mon kéké? Alors, bah, pour commencer, la petite chanteuse britannique Dua Lipa. Je sais pas si tu connais. Bien sûr qu'on connaît. Oui. Ça passe sur Fun Radio, tu rigoles. Bah, voilà. Et en plus, elle vient donc avec un titre Blow Your Mind cette fois-ci. Oh, c'est mignon. Voilà. Ça, c'est bien, tu vois. Bah, par exemple, moi, ça, j'aime pas. Ah. Et écoute le petit truc ici, maintenant. Alors, en fait, je suis sûr que Kéké, il m'a sorti ce truc rien que parce qu'à un moment donné, la meuf, dans la chanson, elle fait... Il est sensible, Kevin, il aime bien, lui. Moi. Il paraît que c'est la meuf de Tarkan. Ah. T'as trouvé d'autres sons? Ouais, mais pour la suite, une reprise d'une chanson qui date quand même de 1992, donc ça date vraiment. Et même Fab la connaît, je pense. Et ça, c'est beau, ça. Attends, mais fais-moi écouter comment tu te dis celle-là. Ah ouais! Ah, oh, c'est Charlie Eddy, ça? Ouais, c'est ça. Would I lie to you, baby? Would I lie to you? Oh yeah! Oh, j'adore. Alors, qui c'est qui a repris ça? Alors, c'est John Gibbons. Et donc, celui-là, c'est vraiment pas très dance floor, mais sous John Gibbons, là, c'est vachement dance floor. Moi j'aime bien ça. Ouais, ça c'est marrant, ouais, j'adore les reprises. Ah bah franchement, oui. C'est la mode en plus pour le moment, pour ça cartonne. Allez, encore une dernière. Alors ben, on arrive là à Dangerous Woman. Je sais pas si tu vois de qui Dangerous je veux parler. Dangerous Woman, ouais. Ariana Grande. Ah, voilà, ben, elle revient cette fois-ci avec Nicki Minaj, mais sur le titre Nicki Minaj. Et donc sur le titre Side to Side, donc c'est avec Nicki Minaj qui revient en force cette fois-ci, et je vous fais écouter celle-là. Sexy. Ouais. C'était moi, elle fait toujours des chansons de Chaudasse. Bah oui, ouais. Bah, c'est le Chaudasse. J'aime bien moi. Ouais, c'est ça quoi. Non, mais attends, c'est pas la musique où elle fait du spin? Ouais, c'est ça, elle fait ça. Ah, c'est elle ça. Fait du quoi? Du vélo, le spin, tu sais, je sais pas, ça s'appelle comme ça en fait. Du vélo d'appartement. Ouais, le vélo d'appart, c'est ça. Pédale ouais, vite. Voilà, tu pédales vite, c'est des cours de sport, tu sais pas, parce que je fais pas du sport, mais sinon. Non, mais c'est ça. Et alors, elle, dans le clip, sérieusement, on va vous le poster sur le Facebook de Fun Radio Belgique. Sincèrement, elle fait du spin, mais on voit à un moment donné son cul en arrière, sérieusement. Ah ouais, ouais. Oh, j'ai pas vu ça. Fait, hein. Ah, ouais. Ah, si, ah bah franchement, t'as loupé quelque chose. Oh, hein. Merde. Ah bah tu vas voir la vidéo sur le Facebook de Fun Radio. Kéké, merci pour toutes ces petites plaisir. Nouveautés. Bon, là on rigole plus, attention, on va sur le son de DJ Snake et Justin Bieber. On va savoir, juste après, c'est promis, qui sera le grand gagnant de la rencontre avec David Guetta. David Guetta qui est en concert avec Fun Radio du côté d'Asselt. Ça se passera le 11 octobre. Il y a Cathy, Christelle, Cyril, Aline, Florence, Pierre-Philippe, Roger, Christophe, Charlotte et Ludo. On va savoir qui va gagner juste après DJ Snake et Justin Bieber sur Fun. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful. Something beautiful. Selling a dream. Smoking mirrors keep us waiting on a miracle. On a miracle. Fun Radio, la suite c'est avec Félix Jane que ça se passe. Il y aura aussi Ken Jones et puis Armin Van Buren. C'est pas lui, c'est Armand Van Helden, mais c'est pareil. D'accord. Ça arrivera dans moins de 5 minutes avant ça, c'est l'heure. On vous l'avait promis, c'est maintenant, c'est l'instant. On va savoir qui va repartir avec sa rencontre avec David Guetta. Le David Guetta, le meilleur DJ au monde. Enfin, un des meilleurs. Il est classé combien maintenant, David Guetta? 114,2. Non, je sais plus. Je sais pas du tout. C'est pas un classement à l'ATP, ça, c'est pas du tennis. Attends, Kéké du Standard, vérifie un peu, David Guetta. Ouais, je suis plus sûr que ce soit bien. Le number one mondial, mais quand même, de toute façon, il fait partie des meilleurs DJ au monde. Et il a choisi Fun Radio, justement pour rencontrer des auditeurs, pour qu'ils puissent assister au concert. Et il est 6e maintenant, ouais. Classé 6e. Oui, quand même. Il fait quand même partie du top 10. Alors, on a en lice Cathy, Christelle, Cyrielle, Aline, Florence, Pierre, Philippe, Roger, Christophe, Charlotte. Sandro. Et puis Ludo, non, qui a gagné. Ludo qui a gagné ses places il y a seulement quelques minutes. Alors c'est parti, on a mis tous les numéros. Je vais en tirer un au sort. Je donne un chiffre, on appelle et puis si ça décroche, eh ben, c'est gagné. Alors le chiffre entre 1 et 10. Allez, le numéro 6. Parfait, je prends le 7. Mais non. C'est parti, on fait sonner le numéro 6. Je ne sais pas qui c'est non plus. Hein. Comme ça, moi, je peux pas faire de favoritisme. Si ça décroche... On dirait Nikos Alagas. Croise les doigts. Arrête de dire ça. Nikos Alagas, il parle un peu comme ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas du tout pareil. Topé 1. Quoique non, ça c'est Patrick Sébastien, je crois. J'ai mis très mal Nikos Alagas. Ouais. Et on fait quoi si ça répond pas? Eh ben, on en tire un autre sort, hein, jusqu'au moment où ça décroche. Oh, moi, je bouge pas d'ici. L'émission c'est jusqu'à 20h. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur d'administration. Attends, je laisse un message. 5h SME de la région européenne. Je suis dans l'impossibilité de répondre à vos appels pour le moment. Laissez-moi un message, je vous recontacterai. Merci. Bon, bah j'ai pas entendu ton prénom. Moi je peux te dire, t'es sur Fun Radio. Enfin, ton répondeur est sur Fun Radio. Et si tu avais décroché, tu serais reparti avec ta rencontre avec David Guetta. Malheureusement, tu n'as pas décroché, c'est perdu. Je te fais des gros bisous, je suis désolée en tout cas. On est reparti, on fait sonner chez quelqu'un d'autre. Un autre chiffre. Alors, le numéro 2. Voilà, ça je sens bien celui-là. Là, je suis sûre que ça va décrocher, c'est bon, c'est parti. On fait péter. C'est une expression, bien sûr. Oui, en aucun cas, elle ne sent quelque chose. Hein. Arrêtez. Vous êtes dissipés là, c'est la fin de la semaine. C'est vendredi. Ouais, bah vous vous calmez quand même. Voilà. Allô? Allô? Allô? Allô? Ouais. Allô? Oui. Allô? Allô? Oh, David Guetta. C'est l'exorciste. Sors de ce corps. C'est qui est là? C'est Christelle. Christelle. Oh. C'est gagnant. C'est un bon fan. T'es la grande gagnante de la rencontre avec David Guetta. Oh bah si tu veux, je le reprends, hein, si tu veux. Et tu vas te remettre ou... On fait tant d'effets que ça. Elle n'occupe pas décédé en direct, la fille. Mais toi, tu te rends pas compte, David Guetta, mais tout le monde rêve de le rencontrer, Christelle. Non, David Guetta, depuis la première chanson qui est sortie en 2001. 1940. Voilà, je suis fan. Franchement, je tremble. Oh, Christelle, ah, c'est tout mignon. Tu vas y aller avec qui, du coup, à cette rencontre? Avec mon fiancé qui s'appelle David, mais pas Guetta. Ah bah, c'est déjà ça. Hein. Alors, s'il te plaît, ne lui fais pas cette vanne-là, David Guetta. Non, mais non, je sais. Nous, on te le rencontre et tout, et toi, tu représentes Fun Radio, quand même. Oui, fais pas de conneries, Christelle. On compte sur toi. Non, je vous promets, vous serez fiers de moi. Mais il faut que je me remette de mes émotions. Bah, tu m'étonnes, ma Christelle. Hey, par contre, on te demande juste un petit truc en échange. Tu postes des photos, vidéos, tout ça, sur la page Audrey sur Facebook. Hein, promis. Ah, ça, il n'y a pas de problème, je vous le ferai. Oh, elle est toute mignonne, Christelle. Je te fais des gros gros bisous. Félicitations, ma chérie. Tu passes une bonne soirée. Oh, j'adore. Christelle, on va te laisser. Ça va aller, t'es sûre? Parce que je vais pas te laisser dans un état comme ça. Hein. Non, ça va aller. Je vais remettre mes émotions. D'accord. Aucun problème. Oh, elle est trop mignonne. Christelle, félicitations. En tout cas, la suite du Sundance Floor. Maintenant, c'est avec Félix Jane que ça se passe. Il y aura aussi Ken Jones, Armand Van Helden. Et puis, à partir de 20h, c'est Party Fun qui débarque avec tous les plus grands DJ qui seront là. Et il y a du lourd hein, ce soir à partir de 20h. Henri PFR, il sera au platine. Il y aura aussi Oliver Heldens. Et puis, les frères Cohen, c'est du Carolo. Ils sont cool en plus, on les connaît bien. C'est la famille ici sur Fun Radio. Bienvenue tout le monde. I can hear the whispers about me. It hurts if I let all the poison in. If I let them win. When you're close my eyes and I just breathe. I just breathe. Hurts, but shit that doesn't kill you makes you strong. So bring it up when you're mad. The bitches lift them drinks, yeah, that's my fitness. Fuel to the fire, fuel to the fire. Run your mouth, you can run your mouth. Think you're rain from my fire out. Spinny hair, you feel better now. Fuel to the fire, fuel to the fire. Sur Fun Radio avec le son de Kane Jones, c'est Don't Mind qui débarque dans quelques minutes dans la pioire. Il y aura aussi Armand Van Helden, ça c'est nouveau, vous l'avez peut-être pas encore entendu. Mais avant de vous balancer tout ça, je voulais quand même vous annoncer une nouvelle de fou les copains. Là, on vient juste de faire gagner une rencontre avec David Guetta, les plus beaux cadeaux. Cadeaux. Cadeaux. Bonjour. Les plus beaux cadeaux. Les plus beaux cadeaux. Bah oui, les plus beaux cadeaux. Bah les cadeaux, mais c'est pas qui, allez les cadeaux. C'est ici, je vous fais le lit, je vous laisse fleur. Bon alors, la semaine prochaine, on a un énorme cadeau à vous filer les copains. Non, ça va pas en fait. Fun Radio Tropique. Yeah. Bonjour. Bah, c'est pas mal. Zouk, vas-y. Fun Radio Martini. La radio du soleil, c'est Fun Radio. 40 degrés dehors, on fait la fête. Ouais, bah ouais. Le pire, c'est que ça existe vraiment, Fun Radio Martini. Ah, ce serait drôle, il faudrait une fois qu'on se branche et qu'on écoute un peu comment ils animent là-bas. Bon, sinon, les gars, je sais pas comment on en est arrivé là, c'était pas le but. Mais je voulais vous annoncer le cadeau qu'on vous file la semaine prochaine. Énorme cadeau. Je sais que vous êtes des milliers, des centaines de milliers à le vouloir. Mmh. À le désirer. C'est l'objet de tous les désirs. Mmh. La semaine prochaine, à partir de 17h, dès lundi 17h, bim, l'iPhone 7. Bah oh, on t'aime, Audrey. Oh, la meilleure. Oh, ça fait mal. On t'aime, Audrey. L'iPhone 7, tous les jours de la semaine prochaine, va tomber. Voilà, comme ça, bim, on va en distribuer tout plein. On en a appris tout plein. Ils sont. Voilà, c'est cadeau, c'est pour nous, c'est pour Fun Radio. Ah bah, je te le dirai pas. Hein. Mais c'est l'iPhone 7 qui coûte la peau du cul, pas du tout. C'est ça, c'est celui-là, le nouveau, celui qui vient juste de sortir. Donc, un petit conseil, soyez bien là la semaine prochaine, à partir de 17h. Et puis, de notre côté, aujourd'hui, à 20h, c'est Party Fun qui débarque. Pour aller jusque-là, on se fait Kane Jones. Et puis, juste après, c'est Armen. Ah, mais pourquoi j'ai envie toujours d'appeler Armen Van Buren? Mais c'est parce que c'est nouveau, mais moi, je le connais pas. C'est Armand Van Helden qu'on va découvrir sur Fun. Check it out. Fun Radio et Plug RTL présente Dimitri Vegas and Like Mike Bringing the Madness. Fun Radio. Les vendredis 16, samedi 17, jeudi 22 et vendredi 23 décembre au Sport Palace d'Anvers. Salut, c'est Dimitri Vegas et Like Mike sur Fun Radio. Éclatez-vous avec les DJ belges numéro 1 au monde. Dimitri Vegas et Like Mike à Anvers pour 4 dates exclusives. Tickets disponibles à partir du 6 septembre à 10h sur livenation.be. Les DJ stars Fun Radio, Dimitri Vegas et Like Mike au Sport Palace d'Anvers. C'est avec Fun Radio. The radio of Dimitri Vegas and Like Mike is Fun Radio. Le son dance floor.